ونسأله جل وعلا الهدى والتقى والعفاف والغنى وبعض. Donc les frères, inshallah, on va commencer, inshallah, comme on avait dit, sur une brève parole concernant la vie de Uthman ibn Affan, radiallahu ta'ala an, al-sahabi al-jalil, ala wa huwa Uthman ibn Affan. Donc vous pouvez vous imaginer, Uthman ibn Affan, c'est quelqu'un qui a vécu plus de 80 années, à peu près 80 années. Donc vous imaginez que c'est une vie assez longue, donc il y a beaucoup de choses à dire sur Uthman ibn Affan. Et nous, du fait que le temps est court, on va résumer et mentionner quelques points, inshallah, concernant la vie et la biographie de ce célèbre et illustre compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam, et qui est le troisième meilleur homme parmi les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, Uthman ibn Affan, radiallahu ta'ala an. Donc on va essayer de très rapidement, puisque comme je vous ai dit précédemment, le temps est court, inshallah, et il y a beaucoup de choses en réalité à dire. On va essayer de mentionner certains points qui peuvent nous être bénéfiques, inshallah, et certains points aussi qui ont attrait à la vie de Uthman ibn Affan, dont on peut tirer leçon. On peut tirer leçon à notre époque. Des choses se sont passées à cette époque qui peuvent être des leçons pour nous à tirer et à prendre en considération, inshallah, pour le vécu dans cette époque. Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala an, إنه الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ووعده بالشهادة ومات وهو راض عنه وجهز جيش العسرة وتزوج من ابنتين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان ثالث الخلفاء الراشدين واستشهد وهو يقرأ القرآن الكريم وقد ولد عثمان بعد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بستة سنوات في بيت الشريف فأبوه عفان ابن العاص صاحب المجد والكرم في قومه وكان عثمان رضي الله تعالى عنه من السابقين إلى الإسلام فحين دعاه أبو بكر إلى الإيمان بالله وحده لبى النداء ونطق بشهادة الحق ورغم ما كان يتمتع به عثمان رضي الله تعالى عنه به عثمان رضي الله تعالى عنه من مكانته في قومه فإنه تعرض للإيذاء من أجل إسلامه وتحمل كثيرا من الشدائد في سبيل دعوته فقد أخذه عمه الحكم ابن أبي العاص وأوثقه بالرباط وأقسم ألا يحله حتى يترك دينه فقال له عثمان والله لا أدعه أبدا ولا أفارقه فلما رأى الحكم صلابته وتمسكه أو تمسكه بدينه تركه وشأنه وكان عثمان من الذين هاجروا إلى الحبشة فرا بدينه مع زوجته رقية بنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم هاجر إلى المدينة وواصل مساندته للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما يملك من نفس ومال ولما خرج المسلمون إلى بدر لملاقة المشركين تمنى عثمان رضي الله تعالى عنه أن يكون معهم ولكن زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرضت فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبقى معها ليمرضها وبعد أن انتصر المسلمون من معركة أحد من المعركة أخذ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذن الكلام وبعد أن انتصر المسلمون في المعركة أخذ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في توزيع الغنائم فجعل لعثمان نصيبا من المال والمؤن وبعد فجعل لعثمان نصيبا منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Donc pour avancer, j'ai commencé à vous lire une partie de ce qui a été écrit dans la vie de Uthman ibn Affan. Donc Uthman ibn Affan fait partie des compagnons, premièrement, dont le prophète Hassan leur avait annoncé le paradis. Il fait partie des compagnons parmi les 10 annoncés au paradis. Et aussi le prophète alayhi salat wa salam avait annoncé pour Uthman ibn Affan al-Shahada, qu'il mourrait en tant que martyr. Donc le prophète avait annoncé le martyr à Uthman radiallahu ta'ala an. Et lorsque vous lisez donc dans la vie de Uthman, et aussi dans la biographie, dans Sirat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et bien vous pouvez voir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort sallallahu alayhi wa sallam, et il est mort donc satisfait de Uthman, satisfait de Uthman ibn Affan radiallahu ta'ala anha. Et en l'occurrence, tazawwaja Uthman min ibnatay Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. En l'occurrence, Uthman s'était marié aussi avec deux des filles du prophète alayhi salat wa sallam. Comme on va le voir, il s'est marié avec Ruqayya, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et plus tard il va se marier avec Kulthum, là l'une des filles aussi du prophète alayhi salat wa sallam. Wastushida, et lorsqu'il est mort, comme on le verra, il mourra wastushida martyr, et alors qu'il était en train de réciter le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Uthman ibn Affan est né بعد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بستة سنوات. Il est né 6 ans après la naissance du prophète alayhi salatu wassalam. Donc il est né dans une maison noble. فأبوه, son père c'était Affan ibn al-As. Son père se nommait Affan ibn al-As وصاحب المجد والكرم في قومه. Et c'était, il faisait partie des notables et des dignitaires de son clan. Son père, Affan ibn al-As. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Uthman, il fait partie des premiers convertis à l'islam, de ces premières personnes qui ont cru au message du prophète Mohammed, alayhi salatu wa salam. Et ça, c'est important de le retenir pour bien comprendre ensuite ce qui se passera. Donc, il fait partie de ce qu'on nomme min as-sabiqin. As-sabiqin, al-awwalin. Vous savez, les premiers qui se sont convertis à l'islam. Et vous savez que le prophète, alayhi salatu wa salam, a accordé une énorme importance, à ceux qui se sont convertis les premiers, qui étaient les premiers, les prédécesseurs parmi les musulmans. Donc ils ont une place, ils sont même mentionnés dans le Coran. As-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar. Donc même Allah Jalla wa'ala les a mentionnés dans le Coran en disant as-sabiqun al-awwalun, ceux qui ont précédé les premiers, parmi al-muhajirin, les émigrants et les auxiliaires. Et donc Uthman ibn Affan fait partie des premiers convertis à l'islam, parmi ceux qui ont embrassé l'islam. Lorsque Abu Bakr l'avait appelé à l'iman, à la foi, il lui a fait ad-da'wa. Falabba an-nida. Ensuite, il a attesté de sa foi. رغم ما كان يتمتع بعثمان رضي الله تعالى عنه من مكانته في قومه فإنه تعرض للإيذاء من أجل إسلامه. Et malgré le rang qu'avait la famille de Uthman dans son clan, et malgré le rang dont jouissait Uthman رضي الله تعالى عنه à travers son clan ou au sein de son clan, ça lui a pas épargné donc les préjudices qu'il a subis par rapport à son peuple lorsqu'il s'est converti à l'islam, lorsqu'il a embrassé l'islam. Donc comme on a dit, il venait d'une famille noble et son père faisait partie des dignitaires. Il a embrassé l'islam, mais il n'a pas été épargné, n'a pas échappé et épargné des préjudices qu'ils lui ont fait subir. Et il a supporté beaucoup de choses et il a enduré fi sabili da'wati, sur le sentier de l'appel Allah subhanahu wa ta'ala. Faqad akhadahu 'ammuhu al-hakam ibn Abi al-'As. Et une fois il a même été pris et il a subi des supplices de son oncle qui s'appelait al-Hakam ibn Abi al-'As. Wa wathaqahu bir-ribat wa aqsama an la yahullahu hatta yatruka dinah. Et il a subi des supplices et lui avait ordonné de délaisser sa religion après qu'il l'a attaché. Et Uthman ibn Affan a tenu en disant par Allah, jamais je délaisserai ma religion et jamais je me séparerai d'elle. فَلَمَّا رَأَ الْحَكَمْ صَلَبَتَهُ وَتَمَسُكَهُ بِدِينِهِ تَرَكَهُ وَشَأَنَهُ. Et lorsque son oncle a vu sa détermination, alors ensuite il l'a laissé. il l'a laissé. Alors, Othman ibn Affan aussi fait partie de ceux qui ont fait la première émigration. La première émigration. Donc, Othman a fait les deux émigrations. Ce qui rajoute de ses vertus et de sa valeur et de ses mérites. Othman ibn Affan, il a fait la première émigration il al-Habasha, vers al-Habasha, et plus tard il va faire l'émigration aussi vers al-Médina, vers Médine. Et طيب ولما خرج المسلمون, et lorsqu'il y a eu l'expédition très connue de Badr, alors Othman ibn Affan avait ce profond souci et désir de sortir avec les compagnons pour aller à Badr, à la rencontre des polythéistes arabes à l'époque, et il n'a pas pu du fait que son épouse Ruqayya, la fille du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, était malade. Donc le prophète alayhi salatu wa sallam lui avait donné l'ordre de rester et de s'occuper de son épouse Ruqayya. Et après le retour des croyants, le prophète alayhi salatu wa sallam avait donné une part à Uthman ibn Affan. فأعطى له النبي فجعل لعثمان نصيبا منها ولكن زوجته رقاية رضي الله تعالى عنها ماتت في نفس السنة التي انتصر فيها المسلمون في غزوة بدر. Et son épouse Ruqayya est morte dans la même année. Dans la même année, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est décédée. وبعد وفاة رقاية زوجه الرسول صلى الله عليه وسلم ابنته الأخرى أم كلثوم. Et lorsque sa fille, au messager d'Allah, est décédée, donc qui était l'épouse Ruqayya de Uthman ibn Affan, le prophète ensuite lui a marié une autre de ses filles, qui était Umm Kulthum. Donc ça, juste ça, on voit les mérites de Uthman. Parce que si le prophète sallam lui a marié deux de ses filles, ça témoigne que le prophète alayhi salatu wassalam avait une attention particulière pour Uthman et un respect particulier. Le meilleur des hommes. Il va donner en dépôt ce qu'il chérit, c'est-à-dire le prophète sallam chérissait ses filles, il aimait ses filles, et s'il a marié deux de ses filles à un même homme, Uthman ibn Affan, ça prouve la moralité et le comportement qu'avait Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu. Et ça, c'est un témoignage qui est immense du prophète alayhi salatu wassalam. وليجتمع بذلك الفضل العظيم لعثمان بزواجه من ابنتي الرسول صلى الله عليه وسلم فقلب بذي النورين. Et pour cela, فلقب بذي النورين. Et de ce fait, ensuite, il a été surnommé l'homme aux deux lumières. C'est pour cela qu'ensuite il a eu ce surnom, qu'il a été appelé l'homme aux deux lumières, du fait qu'il s'est marié avec deux des filles du prophète alayhi salatu wassalam. Il y a un passage dans sa vie qu'on appelle al-bay'atu ar-ridwan, al-bay'a, l'allégeance, cette allégeance-là. C'était à l'époque que le prophète alayhi salatu wassalam. Alors qu'il était parti pour accomplir l'Umra, le petit pèlerinage. Alors, il avait envoyé Uthman en tant que messager vers Quraysh. كما قيل فشهد عثمان مع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من المشاهد وارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى مكه حينما ارادوا اداء العمره ليخبر قريشا ان المسلمين جاءوا الى مكه لاداء العمره وليس من اجل القتال ولكن المشركين احتجزوا عثمان بعض الوقت وترددت إشاعة أنهم قتلوه فجمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه ودعاهم إلى بيعته على قتال المشركين فسارع الصحابة بالبيعة وعرفت تلك البيعة ببيعة الرضوان وعاد عثمان رضي الله تعالى عنه وكان صلح الحديبية. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était parti de Médine vers la Mecque pour accomplir ce petit pèlerinage, il avait envoyé Uthman en tant que, on va dire, messager pour qu'il y ait des pourparlers avec Quraysh. Sauf que Quraysh ont gardé Uthman à laps de temps. Ils ont gardé Uthman à laps de temps, donc Uthman a tardé à revenir, a tardé à revenir. Et de là, ensuite, les musulmans commençaient à s'impatienter. Et il y a eu une sorte de rumeur qui disait qu'ils avaient, les politistes arabes à l'époque, Quraysh, qu'ils avaient tué Uthman. Donc, Fajam al-Nabi, en résumé, donc vous avez vu, hein, on fait des brefs résumés de certaines parties. En résumé, donc, il est rapporté que le prophète, ensuite, il a rassemblé ses compagnons, Fajam al-Nabi, ashaba, et il les a appelés à lui porter allégeance. Et c'est ça qu'on appellera l'allégeance de, si on peut traduire comme ça, les frères, vous m'aidez, hein, de la satisfaction, ou on reste sur le terme Ridwan, comme ça. Comme ça on reste sur le terme en arabe, on lui donne pas de traduction. Muhim, donc ils ont porté allégeance. Fada'ahum ila bay'atihi 'ala qital al-mushrikin. 'Ala qital al-mushrikin. Donc ils ont porté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam s'il devait avoir confrontation avec les polythéistes. Et de ce fait, ensuite, fasara as-sahabatu bil bay'a. Donc les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam se sont empressés ensuite à porter allégeance au prophète alayhi salat wa salam, wa urifat tilka al-bay'atu, et de là elle était connue cette bay'a. Et même le prophète alayhi salam avait porté bay'a pour Uthman, radiyallahu ta'ala an. Ensuite, Uthman revint, il est revenu, et de cela il y a eu le traité qu'on appelle la trêve de l'Hudaybiyah. La trêve, Sulhu al-Hudaybiyah, ça s'appelle. Taïb. Ça, c'est des choses importantes qui se sont passées et où Uthman, vous comprenez bien qu'on n'a pas évoqué en vain ce passage-là de la vie de Uthman, c'est que le prophète sallam avait choisi Uthman pour être celui qui allait faire des pourparlers, être le messager des croyants. Il était le messager du prophète sallam et c'est lui qui allait avoir des pourparlers avec Quraysh. Ce qui donne aussi, ce qui montre l'importance de Uthman. Uthman avait aussi des particularités. C'est quelqu'un qui a aidé beaucoup les musulmans et qui a beaucoup dépensé. Et à chaque fois que le prophète, alayhi salat wa salam, appelait les musulmans à l'époque à dépenser dans le sentier d'Allah, Uthman faisait partie des premiers à dépenser. Et, walidhalik, fil Medina, ra'a Uthman min mu'anat al-muslimina min ajli al-husul ala al-ma. حيث كانوا يشترون الماء من رجل يهودي يملك برا تسمى روما فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر روما فيجعل دلاءه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة رواه الترمذي فذهب عثمان رضي الله تعالى عنه إلى ذلك اليهودي وساومه على شرائها فأبى أن يبيعها كلها يعني هذا الرجل اليهودي أبى أن يبيعها كلها فاشترى نصفها ب12,000 درهم وخصص لنفسه يوما ولليهودي يوما وإذا كان يوم عثمان أخذ المسلمون من الماء ما يكفيهم يومين فلما رأى اليهودي ذلك جاء إلى عثمان وباع له النصف الآخر ب8,000 درهم وتبرع عثمان بالبر كلها للمسلمين. Regardez cette histoire. Un jour, Uthman, il a vu à Médine que les musulmans avaient des difficultés à obtenir de l'eau. Pour l'obtention de l'eau, ils avaient des difficultés. Regardez à l'époque, hein, pour l'eau, c'était pénible parfois d'avoir de l'eau. Et il avait vu que les musulmans allèrent souvent chercher de l'eau, acheter de l'eau à un homme yéhoudi, un juif qui était issu d'une tribu juive, et lui qui avait un puits qui s'appelait Roma, ce puits. Et le prophète, alayhi salatu wa salam, un jour a dit, qui est-ce qui achète ce puits de Roma? Fayaj'al dila'ahu ma'a dila'il muslimin bi khayrin lahu minha fil jannah. Donc le prophète, alayhi salam, avait demandé qui est-ce qui veut acheter ce puits, pour que ce puits soit ensuite au service des musulmans, si vous voulez, en résumé. Fadaba Uthman, donc Uthman est parti voir cet homme, c'est-à-dire le possesseur de ce puits, le propriétaire du puits, al-Yahudi hadha. Ensuite, il a commencé à avoir des pourparlers avec lui pour acheter son puits. Sauf que l'homme, il n'a pas voulu vendre tout son puits. Il lui a cédé la moitié. Il lui a vendu la moitié, il voulait pas vendre tout le puits. Donc il est rapporté que Uthman alors lui a acheté la moitié, bithnei ashara elf dirham. Bithnei ashara elf, 12 000 dirham. Pour 12 000 dirham, il lui a acheté ce puits. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est produit alors? De ce fait, il a racheté la moitié. C'est-à-dire donc il y avait un jour pour Uthman et un jour pour l'homme, al-Yahoudi, pour cet homme. Donc, il se partageait un jour pour lui et un jour pour Uthman. Ensuite, Faïda Kana, lorsque c'était le jour de Uthman, alors les musulmans affluèrent et venaient en masse et prenaient de cette eau. Prenaient de cette eau ce qui pouvait leur suffire pour deux jours. Ils prenaient ce qui pouvait leur suffire pour deux jours. Lorsque l'homme, al-Yahoudi, ra'a dhalika ja ila Uthman. Lorsque l'homme il a vu ça, donc ensuite il est parti chez Uthman. Il a dit, ya Uthman, il a dit, je te vends mon autre partie. Mon autre partie du puits, je te la cède, je te la vends. Il lui a dit, je te la vends pour 8000 dirhams. Pour 8000 dirhams. Fa tabarra'a Uthmanu bil birr kulliha lil muslimin. Ensuite Uthman il a racheté l'autre partie et ensuite il l'a donné en aumône pour les musulmans à l'époque. Donc il a donné ce puits. Wafi Ghazwati Tabuk, il est rapporté aussi que lors de l'expédition de Tabuk, et vous avez vu, Tabuk c'est une longue distance hein, de Médine, hein, c'est assez loin, de Mecca, de Médine, Tabuk c'est loin. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il voulait se rendre à Tabuk, Hassan Nabi sallallahu alayhi wa sallam al-Muslimin anil infaq, li tajhiz al-jaysh alladhi summiya bi jaysh al-usra. Et de là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait exhorté les compagnons. Avait exhorté les compagnons justement à aider justement pour cette expédition de Tabouk. Et de ce fait, ces compagnons qui allaient accompagner le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de cette expédition pour Tabouk, on l'a appelé Jaishul Usra, l'armée de la difficulté, de la pénibilité, une traduction relative, du fait qu'ils avaient très peu de moyens. Très peu de moyens. C'était un long voyage, c'était périlleux, avec très peu de moyens comme on a dit précédemment. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam incitait les compagnons à aider et à donner de ce qu'ils avaient. Et c'était pas facile pour eux, hein, pour qu'aujourd'hui nous on soit musulmans. Regardez, et ben Uthman, c'est pour cela qu'on l'appelle, comme on a dit lorsqu'on a commencé l'allocution, on a dit que regardez, Uthman parmi ses mérites, « Jahaz al-Jaysh al-Usra » Comme il est célèbre. Enfin, Uthman ibn Affan, ماذا فعل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من جهز جيش العسرة فله الجنة. Que celui qui aide جيش العسرة, cette armée de difficultés, il aura le paradis. À lui, le paradis. Rapporté par Tirmidhi. فبعث عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 دينار. Uthman, il a envoyé au prophète, alayhi salatu wassalam, 10 000 dinars. Là, c'est plus du dirham. Le dirham, c'est en argent. Dinar, c'est en or. C'est des grandes sommes. À leur époque, c'était des grosses sommes. Il est rapporté que Uthman a envoyé au prophète, sallam, 10,000 dinars, faja'al al-Nabi, sallam, yuqallibuha wa yad'u li Uthman. Et le prophète, sallam, commençait à yuqallibu. Il retourne cet argent et il invoquait pour Uthman. Il faisait des du'as pour Uthman en disant « Ghafara Allahu laka ya Uthman ma asrarta wa ma a'lant » Et le prophète invoquait pour lui en disant « Qu'Allah te pardonne. Qu'Allah te pardonne tes fautes publiques ou bien cachées, hein, si vous voulez dissimuler. « Wa ma akhfayta wa ma huwa ka'inun ila an taqum as-sa'a wa ma yubali Uthman ma amila ba'da hadha » Ça, c'est rapporté par Ibn al-Asakir et al-Daraqutni. Watufi al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ensuite, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam décéda, comme on a dit précédemment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était satisfait. Il est mort satisfait de Uthman ibn Affan, qui, attention, était son gendre aussi. C'était son gendre, c'est son gendre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec nos termes à nous, hein, c'était son beau-père. Deux de ses filles, subhanallah. Quel honneur. Et comme il est rapporté, les kulli nabiyyin rafiq, rafiqi, yani fil jannah wa Uthman. Fa khilafatu Uthman. Ensuite, Uthman, كان عثمان نعم العون لأبي بكر رضي الله تعالى في خلافته، وكان كذلك مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حتى لقي عمر ربه، وقد اختاره عمر ضمن الذين رشحهم لتولي الخلافة من بعده، وبعض مشاورات بينهم تم اختياره ليكون الخليفة الثالث للمسلمين بعد عمر. وظل عثمان رضي الله تعالى عنه خليفة للمسلمين ما يقرب من 12 سنة، فكان عادلا في حكمه، رحيما بالناس، يحب رعيته ويحبونه، وكان يحرص على معرفة أخبارهم أولا بالأول. وعرف عثمان رضي الله تعالى عنه بالزهد والقناعة مع ما توفر له من ثراء عظيم ومال وفير، فقد كان يلبس يوم الجمعة على المنبر إزارا عدنيا غليظة ثمنه 4 دراهم و5 دراهم، وكان يقيل يعني ينام وقت الظهيرة في المسجد وهو يومئذ خليفة، وقد أثر الحصى بجنبه، فيقال هذا أمير المؤمنين، هذا أمير المؤمنين، بل كان يطعم الناس طعام الإمارة، وعندما يدخل بيته كان يأكل الخل والزيت. Ensuite, عمر، أو plutôt عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه، إبا plus tard il deviendra le calife. Donc c'est là que ça va commencer. Dans le sens que là, Uthman, lorsqu'il deviendra le calife, va avoir les responsabilités. Les responsabilités. Uthman ibn Affan, donc, sera le 3e calife de l'islam. Or, les califes de l'islam, comme vous le savez, sont 4. Le premier était Abu Bakr, ensuite Omar, et ensuite Uthman. Uthman ibn Affan, et le 4e était Ali. Et, de ce fait, ils ont un rang particulier. Les califes de l'islam ont un rang particulier. Et pour cela, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque dans le hadith célèbre, il dit « Ceux qui vivront d'entre vous verront de nombreuses divergences », il leur dit « Accrochez-vous à ma sunna, vous ma sunna, et la sunna des 4 califes, les 4 califes bien guidés ». Ce n'est pas en vain que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit ça. Pourquoi ? Parce que les 4 califes de l'islam ont un rang particulier. Un rang particulier. C'est les meilleurs des hommes parmi les compagnons. C'est les meilleurs compagnons du prophète, alayhi salat wa salam, bihadha at-tartib, avec cet ordre-là. Et cela, ça fait partie de la croyance des gens de la sunna et du consensus. Des gens de la sunna et du consensus. حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل ولكلهم فضل وقدر ساطع لكنما الصديق منهم أفضل. Et même Cheikh Issam Tamia, dans l'amia qui lui est attribué, il le dit, l'amour de tous les compagnons, c'est une adoration par laquelle il se rapproche d'Allah. C'est une qurba, c'est une adoration par laquelle on peut se rapprocher d'Allah, le fait d'aimer les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et dans ces vers, il est bien stipulé que le meilleur d'entre eux, et le premier, c'est Abu Bakr, radiallahu ta'ala an. Ensuite, vous voyez que les savants de la sunna, parmi nos pieux prédécesseurs, stipulent que le deuxième meilleur compagnon, c'est Omar, ensuite Uthman, et ensuite Ali, radiallahu ta'ala an. Donc Uthman, il va prendre le califat, après Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhu. Et vous connaissez tous que donc Uthman deviendra le calife de l'islam après que Omar lui-même fut assassiné, radiallahu ta'ala anhu. Et de ce fait, il deviendra, ça sera en l'année 24 de l'Hijr, l'année 24 de l'Hijr, que cela se produira. Et Omar ibn Khattab sera tué par Abu Lu'lu'a al-Majusi. Al-Majusi, un Perse, Abu Lu'lu'a al-Majusi, un Mazdéen. Et aujourd'hui, c'est pour ça que vous voyez en Iran, il y a un boulevard, hein, une rue, qui est au nom de Abu Lu'lu'a al-Majusi. Du fait que ils se sont réjouis de la mort de Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala an, et vantent les mérites, hein, de celui qui a assassiné le deuxième calife, Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala an. Ensuite, certains se disent musulmans. Et Al-Muhim, ça c'est des choses à savoir Al-Muhim. Ensuite, lorsque Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala an, donc fut assassiné, donc ensuite ils ont prié sur, on a dit que c'était en 24 de l'Hégire, il a demandé la permission à Aïcha, la mère des croyants, de pouvoir être enterrée à côté de son père Abu Bakr, donc aussi à côté du prophète alayhi salatu wassalam, et elle s'était laissée une place, ensuite elle a laissé et elle a donné la permission à Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala an. Donc sur ce fait, il fut enterré donc à Médine, il est décédé à Médine après qu'il fut martyr. Donc Omar ibn Khattab est décédé et mort en tant que martyr à Médine. Après un dua qu'il avait fait, il avait demandé à Allah Jalla wa Ala de mourir à Médine en martyr. Or à l'époque, il était difficile de mourir martyr à Médine puisqu'il n'y avait plus de conflit à Médine même. À Médine même, il n'y avait plus de conflit. Les conflits étaient très loin ensuite, puisque ensuite il y avait des conquêtes qui se faisaient loin du territoire sacré. Donc de mourir martyr à Médine, c'était presque, on va dire, impossible. Presque impossible. Mais Omar ibn Khattab, lorsqu'il a vu son âge avancer et sa faiblesse apparaître, donc il a demandé à Allah si c'était préférable pour lui qu'il lui donne le martyr dans la ville du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce qu'on voit, c'est qu'il a été martyr, il a été tué, assassiné à la prière du Fajr, du Subh, le matin. Ensuite, donc il fut enterré. Il fut donc enterré à Médine, et c'est Suhayb ibn Sinan al-Rumi qui pria sur Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala an. Et Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala an, lorsqu'il décéda, il n'a pas laissé, si vous voulez, de termes précis, de recommandations précises, recommandant une personne précise qui va le suppléanter, ou pas le suppléanter, lui succéder, qui va lui succéder. Mais il a nommé un nombre de compagnons, 6 compagnons, et il les a nommés comme étant Majlis Ashura, une assise de consultation entre ces 6 compagnons, qu'il y aurait une assise de consultation. Et Omar leur dit que ensuite qu'il fallait que son fils Abdallah ibn Omar assiste à la consultation, mais qu'il ne fallait rien lui donner de l'affaire, c'est-à-dire du règne ou du califat. Juste Abdallah ibn Omar, il avait insisté, recommandé que son fils insiste, qu'il soit présent lors de cette assise de consultation. وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٍ, mais lui appartient aucune chose de cette affaire. بَلْ يَنْصَحْ وَلَا يُوَلَّ شَيْءًا, mais il dit, mon fils sera un conseiller, mais il n'aura rien, il n'aura pas de part de cette affaire. Donc ça aussi, ça nous montre le rang qu'avait Abdallah ibn Omar. Si son père voulait que son fils soit là en tant que conseiller, c'est que c'était Rajulun Salih. C'était vraiment quelqu'un de pieux et de vertueux, et quelqu'un qui prodiguait des bons conseils, à savoir que c'était un jeune parmi les compagnons. Abdallah ibn Omar. Malgré cela, il voulait que son fils soit un conseiller, mais à qui on ne donne pas l'affaire, c'est-à-dire la direction. Et c'est lui ensuite qui avait demandé, recommandé que Suhayb ibn Sinan Rumi prie sur lui, et aussi il a recommandé que pendant les 3 jours de consultation, que ce soit aussi Suhayb ibn Sinan al-Rumi qui dirige la prière, jusqu'à ce que le calife soit nommé. Wadih al-Kalam ? Donc jusqu'à ce que le calife soit nommé, il est rapporté qu'il recommanda que ce soit Suhayb ibn Sinan al-Rumi qui dirige la prière. Thumma, ensuite, wa min ورأيه رضي الله تعالى عنه أنه لم يجعل الخلافة إلى واحد من هؤلاء الستة بعينه. Et par, regardez, piété, lui par piété, Omar ibn Khattab, lorsqu'il a nommé ses 6 compagnons qui feraient partie de cette assise de consultation, et l'un d'entre eux serait nommé donc le calife qui succède à Omar ibn Khattab. Ça, c'est important de connaître cette ville-là. Non, on ne va pas rentrer dans chaque détail, mais c'est important que vous connaissez l'histoire justement, parce que ça fait partie de l'histoire des musulmans, ça fait partie de notre patrimoine, l'histoire des califes, Et donc, ce qui s'est produit à l'époque des compagnons. Omar ibn Khattab, par piété, donc, il n'a pas déterminé parmi ceux-ci celui qui allait lui succéder. Mais il a fait al-ishara. Mais il a fait une sorte d'allusion. Il a dit, je connais pas d'égal. Il est rapporté qu'il disait, par contre, il nomme ses six, mais il ne connaît pas d'égal à Uthman et Ali. Ceux qui surpassent étaient Uthman ou Ali, radiallahu ta'ala, anhum. طيب. قال لكن قال ما أظن الناس يعدلون بعثمان وعلي أحدا إنهما كانا يكتبان الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Lorsqu'il dit je ne pense pas qu'il y ait d'autres qui soient égaux à Uthman ou Ali, certes ils écrivaient la révélation alors qu'ils étaient avec le messager d'Allah صلى الله عليه وعلى آله وسلم. C'était des scribes hein, du prophète. Ils écrivaient la révélation, le Coran, alors qu'ils étaient avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Taïb. Ensuite, donc on continue. Parmi ces compagnons qui faisaient partie de Majlis al-Shura, de cette assise de consultation, il y avait le célèbre compagnon Talha, il y avait Abdurrahman ibn Auf, Il y avait Uthman ibn Affan, il y avait Ali ibn Abi Talib. Donc il y avait des grands compagnons du prophète, alayhi salatu wa salam. Et de ce fait ensuite, il y avait Sa'ad aussi ibn Abi Waqqas. De ce fait, à la fin, il devait y avoir un choix. Donc certains de ces compagnons-là se sont désistés du fait qu'ils ont donné. Ils ont donné leur place. Un, par exemple, un a donné à Ali. Un autre avait donné sa place à Uthman ibn Affan. Wahakada. Ils se sont désistés. Jusqu'à ce qu'il restait Abdurrahman ibn Auf. Et ensuite, sa décision allait être décisive, comme on dit. Donc, Abdurrahman ibn Auf, il est rapporté qu'il est resté pendant 3 jours. 3 jours à réfléchir. Et lui savait que c'était entre Uthman et Ali. Du fait qu'il ne connaissait pas d'égal à Uthman et Ali, radiallahu ta'ala anhum. Et à la fin, pour résumer, donc il a fait salat al-istikhara, il faisait la prière de consultation, il demandait conseil, il consultait. Et à la fin, fakharaja Abdurrahman ibn Auf ila al-masjid. Un jour, il est sorti ensuite vers la mosquée à Médine. Et ensuite il a porté la imama que lui avait mis le prophète ou donné le prophète alayhi salatu wassalam. Et fasa'ada ibn Auf al-minbar. Et le compagnon ibn Auf est monté sur le minbar, la chair du prophète alayhi salatu wassalam, et il a commencé à faire un discours. Il a donné un discours. فوقف وقوفا طويلا ودعا دعاة طويلة لم يسمعه الناس. Et il est resté longuement en train d'invoquer Allah Jalla wa Ala. Il a fait de longues dua jusqu'à ce qu'il a appelé Uthman. Avant cela, dans les détails, il s'était réuni justement avec les compagnons, en l'occurrence Uthman et Ali, et avait pris l'engagement avec eux que quoi soit son jugement ou son choix, qu'il fallait le respecter. Celui qui prendrait le khilafa aurait une grande charge et responsabilité. Et ensuite, Abdurrahman ibn Auf, son choix avait porté sur Uthman ibn Affan. Et il y a eu unanimité. Sur cela. Et ensuite, tout le monde a porté allégeance. À Uthman ibn Affan, tous les compagnons présents, tous ceux qui étaient présents à cette assise, tout le monde a porté allégeance, les gens de la ville, et ils affluèrent pour porter allégeance à Uthman ibn Affan, et aussi il y avait Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib lui-même a porté allégeance à Uthman ibn Affan. Et Abdurrahman ibn Auf dit, Inni ra'ayt an-nas la ya'diluna bi Uthman. Certes, j'ai observé les gens. Personne n'est égal à Uthman, radiallahu ta'ala, anhu. Alors ensuite, les gens ont vécu sous le règne de Uthman. Il y avait une baraka. C'est la période où il y a eu l'expansion à l'époque des territoires, qu'il y a eu al-baraka, qu'il y a eu une abondance. Il y avait vraiment la bénédiction dans tout. Les gens vivaient ils prospéraient, mashallah, il y avait de l'abondance dans tout. Et ils étaient dans un bien qui était immense et énorme. Donc ils ont vécu dans un bien immense et énorme. Sauf que, il y avait Iblis. Iblis qui était en train de comploter, de ruser. Il ne pouvait pas laisser les musulmans comme cela, alors qu'ils ont vécu à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans un bien immense, et une baraka qui était immense. Ensuite, ils ont vécu pendant le règne de Abu Bakr, dans un bien et un règne qui était juste. Il y avait l'équité, le partage, l'aide aux pauvres, etc. Ensuite, l'époque de Omar ibn al-Khattab, radiallahu ta'ala an, où les gens ont vécu dans la sécurité, dans le bien, dans l'abondance, dans l'entraide, dans l'amour mutuel et réciproque. Et Uthman ibn Affan, de même, les croyants ont vécu dans le bien, dans l'amour réciproque, dans la sécurité, dans la bonté, dans l'aide des autres. Ils partageaient, parce qu'il y avait la trésorerie, hein, la trésorerie, les gens donnaient de leur zakat, et ils donnaient en offrande, ils donnaient aux pauvres, etc. Ils étaient dans un bien immense. Mais Iblis commençait. Comme il a commencé avant, hein, il a toujours comploté et rusé contre les musulmans. Et là, Al-Adou, Iblis, Yakid, Wayouaswis, Finnas, Ma'ounala. Iblis a commencé à essayer de duper les croyants à cette époque. Et une partie des gens ensuite commença à écouter les Wasawis de Iblis. En l'an 33 de l'Hégire. En l'an 33 de l'Hégire. نبذت تطعن في عثمان أمير المؤمنين وتؤلب عليه وتمارى الأعداء في الكلام فيه. En 33 de l'Hégire, il a commencé à avoir une sorte de mouvement de révolte. C'était pas encore une révolte, ça commençait avec des paroles. Il y a des gens qui commençaient à parler sur le calife. Ils commençaient à avoir des propos qui commença à circuler. Une sorte de mécontentement qui commence à circuler et prendre de l'ampleur. Ça, c'était en 33 de l'Hégire. ثم دخلت سنة 34 للهجرة. Ensuite est rentrée la 34e année de l'Hégire. طيب. وفيها تكاتف المنحرفون عن طاعة عثمان رضي الله تعالى عنه ونالوا منه وبعثوا إليه من يناظره في أمور ادعاهها وأغلظوا له القول. En 34 de l'Hégire, donc ceux qui ont dévié, qui commençaient à dévier, qui commençaient à propager des mauvaises paroles sur le calife, vous savez, et c'est ça les leçons qu'on va tirer en tout temps. En tout temps, il y a des gens qui sont apparus et qui ont toujours eu ce dégoût et cette non-obéissance aux autorités. Ça, c'est en tout temps. Si à cette époque, ils n'ont pas été épargnés, on ne sera pas épargné à notre époque. Et vous allez voir qu'un petit mouvement qui commence avec, c'était des organisations secrètes, avec des paroles qui commencent, une sorte de mécontentement. Si vous voulez, c'est pas le mécontentement encore, c'est des paroles qui incitent les gens au mécontentement. Des paroles au départ. En 34 de l'Hégire, donc regardez, en une année, 33 de l'Hégire jusqu'en 34 de l'Hégire, là, ces mécontentements ensuite, ses parents sont devenus des mécontentements, et là, ils ont décidé d'envoyer des gens pour aller débattre avec Uthman. Ah, ou là, ces arrivistes, qui viendront plus tard, ils n'ont pas connu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas connu ce qu'ont subi les compagnons du prophète, alayhi salatu wa sallam, ce qu'ils ont enduré avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'on a bien insisté sur le fait que Uthman ibn Affan faisait partie des premiers, des prédécesseurs, des premiers à s'être convertis à l'islam, à avoir embrassé l'islam, et qui ont subi tout ce qu'ils ont subi avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, تكاتف كما قلنا المنحرفون عن طاعة عثمان. Donc ceux qui ont dévié de l'obéissance à Uthman, eh ben, بعثوا إليه من يناظره. Ils ont envoyé des gens pour débattre avec lui sur des faits que eux prétendaient, sur des choses qu'ils prétendaient. وقد استمالوا أضعاف النفوس. Donc ils ont commencé à exploiter les esprits faibles. Ils ont exploité la faiblesse de certains, des gens de la masse, hein, les gens de la société. Ils ont exploité leur faiblesse et ont commencé à faire le riba ou al-namima. Ils ont commencé à calomnier, à médire, à diffamer Uthman ibn Affan, radiallahu ta'ala, anhu. Bidawa anna Uthman mana'ahum hukukahum. Qu'est-ce qu'ils prétendaient? Ils allaient vers les gens, ils disent, Uthman, il nous a pas donné certains de nos droits. Alors que vous saviez que le territoire qui était sous le règne du calife, qui était Uthman ibn Affan, à l'époque, c'était un long, un grand et immense territoire. Immense territoire. Donc, il fallait gérer tout ce territoire, alors que Uthman ibn Affan, radiallahu ta'ala, donnait le droit de chacun. C'est pour cela qu'il avait nommé des gouverneurs à la tête de chaque contrée. Et de chaque, pour celle, il y avait un gouverneur en Égypte, il y avait un gouverneur al-Koufa, la région actuelle de l'Irak et autres. Il mettait des gouverneurs. Justement pour que les gens, eh ben, vivent dans la sécurité, vivent dans des bonnes conditions et dans la sécurité. Fasta'athara Tayyib. فظاهر عمل هؤلاء الإصلاح والإنكار المنكر وباطنه السعي في طلب الدنيا وتحصيل الدرهم والدينار وقال ابن الأثير رحمه الله وكأنه قال وصابروا يكتبون وصاروا يكتبون إلى الأمصار بكتب في عيب ولأنهم يكتب أهل كل مصر منهم إلى مصر آخر بما يصنعون Et même Ibn al-Athir, le célèbre historien, Ibn al-Athir, dans son livre, il dit que les gens ensuite, qui commençaient à essayer d'être à la tête d'une sorte de mécontentement, qui reprochaient des choses à Uthman, ont commencé à essayer de propager, mais vraiment que leur message se propage, même dans des contrées lointaines, Et Ibn al-Athir parle de cela, il dit ils écrivaient des messages qu'ils envoyaient très loin pour que cela se propage. C'est pour ça que certains savants ils ont dit subhanallah, et Ibn al-Athir lorsqu'il décrit leur manière de faire, c'est la même manière de faire de ceux de notre époque. Ceux qui ont poussé les sociétés et les peuples à se révolter contre leurs autorités. Et vous voyez par exemple, on en témoigne à notre époque, comme vous regardez dans les livres d'histoire, vous regardez les différents conflits qui s'est produits dans de nombreuses sociétés, vous voyez que c'est des gens à la base qui sont à la tête de cela. Ça a commencé par des diffamations et des calomnies sur les autorités. Ensuite, ça finit en conflit, en guerre, au sefk dima. Et l'effusion ensuite de sang et el fitna wal fawda wal balbala, et le désordre dans les sociétés. Et nous, on témoigne de cela avec le soi-disant, par exemple, le printemps arabe. Soi-disant, regardez ces insurrections, ça a commencé quoi? Avec des paroles, de la calomnie, de la diffamation, et ça a mené les gens vers une sorte de mécontentement, et ensuite ça a soulevé des peuples contre leurs autorités. Fa'annamamoun, les calomniateurs et les diffamateurs travaillent. Sauf que nous, à notre époque, ils ont fait la même chose. Lisez Ibn al-Athir quand il décrit ces gens-là. À notre époque, ceux qui sont à la tête des troubles et des fitanes, ils emploient les mêmes procédés. Namima, ils écrivent, ils essaient de propager. Sauf que nous, à notre époque, c'est plus intense. C'est intense. Pourquoi? Parce qu'avec les nouveaux moyens techniques, les nouveaux réseaux sociaux, les informations peuvent se propager à une vitesse éclair. Inimaginable. Ça veut dire que maintenant, une personne, elle est au bout du monde. En quelques secondes, son message parvient à l'autre bout du monde. Et ça peut être fatal. Ça peut être fatal pour des sociétés, ça peut être fatal pour des hommes, pour des pays. Pourquoi? Parce qu'il suffit que des gens mal intentionnés, des diffamateurs, des calomniateurs utilisent ces réseaux sociaux comme on a vu. Et ensuite, vous voyez, c'est la destruction de sociétés. Aujourd'hui, il y a des pays, il leur faut au moins, après, qadarlam shafa'al, on ne sait pas combien de temps, mais à la moitié d'un siècle ou un siècle pour se reconstruire. C'est une tragédie. Des femmes et des enfants qui ont quitté leur terre. Et qui se retrouvent dans d'autres pays en train de mendier. ils n'ont plus de toit. Alors que c'est des gens, vous les voyez par exemple, ils sont arrivés jusqu'en Europe, ils sont dans les feux rouges, ils tendent leurs mains. C'est une tragédie. Et ça, seuls des gens qui vivent dans l'individualisme, le fait d'être un ani, comme on dit, un ani, hein, qui pense qu'à soi-même, ne va pas penser à ça. Il ne va pas penser aux gens qui étaient à la base dans un pays, vivaient dans la sécurité. Vous savez, ceux qui ont vécu, par exemple, pas vécu, même visité, qui ont déjà visité, par exemple, les pays comme la Syrie avant la guerre, c'était l'un des plus beaux pays arabes. L'un des plus beaux pays arabes. Un très beau pays. Il faut pour ceux, pour des anciens, les anciennes générations qui à l'époque ont déjà vécu, vous savez, à l'époque, vous pouviez aller accomplir le pèlerinage, par exemple, en car, en voiture. Pourquoi ? Parce que les gens pouvaient voyager en toute sécurité. Vous pouviez traverser, par exemple, l'Europe, arriver jusqu'en Turquie, ensuite arriver en Syrie, ensuite en Jordanie, et vous pouviez voyager, aller accomplir le pèlerinage en voiture, en car, en toute sécurité. En toute sécurité, et en même temps, vous pouvez vous prendre du loisir, hein, si on peut dire comme ça, visiter les pays. Et ceux qui ont déjà vu la Syrie, c'est un très beau pays, très beau pays. Et lorsqu'on voit ces gens aujourd'hui en train de mendier dans des camps, regardez, ils sont réfugiés, c'est des réfugiés maintenant, ils sont dans des camps. On en leur enlève toute dignité. Alors qu'à l'époque, eux, ils vivaient dans leur pays, en sécurité. Certains d'entre eux, attention, c'était des gens de la haute société. Hein. Vous voyez des gens peut-être qu'ici, qui sont dans des conditions défavorables. À l'époque, dans leur pays, c'était des gens qui étaient dans... faisaient partie de la haute société, conditions sociales que tout le monde espérait, avec un toit, des maisons, des biens. C'était des gens qui avaient des biens, des commerces. Aujourd'hui, ils se retrouvent éparpillés dans le monde, sans situation, avec leurs enfants. Et dans beaucoup de pays, ils ont été séparés en plus de leurs enfants. C'est... Alors, il n'y a que les personnes qui sont individualistes, comme j'ai dit tout à l'heure, qui sont ananis, égoïstes, qui ne pensent pas à ça. Mais celui qui pense aux autres, se dit, subhanallah, c'est quoi cette tragédie ? Man da'a ila hada ? Qui est-ce qui a appelé les gens à ça ? Qu'est-ce qui a exhorté les gens, incité les gens à faire ça ? C'est du'at al-fitan. C'est ceux qu'on appelait à la fitna. Wa hasan al-fitna. Et bien comme ils sont présents à notre époque, sauf que les moyens techniques actuels avec les réseaux sociaux sont très dangereux. Vous savez, quelques mouvements de contestation, regardez où que ça aboutit. C'est très dangereux. C'est pour ça qu'on va tirer des leçons de ce qui s'est passé à l'époque aussi. Comme à l'époque ils n'ont pas été épargnés, à l'époque aussi... Donc ils n'ont pas été épargnés. À nous, dans notre époque, on n'est pas épargnés aussi de ces diffamateurs, calomniateurs qui poussent la masse des gens à se rebeller contre leurs autorités. Regardez, Isma'u ila hada, parce que c'est là que ça commence. Hein. Là, c'est là que ça commence. Le mouvement commence avec la diffamation des paroles, contestation. Et nous, on va essayer de comprendre quelles sont les causes. Quelles sont les causes là-dedans? Alors, ils ont commencé à s'écrire, et ensuite ça commence à dénigrer carrément. Ils ont commencé à dénigrer Uthman ibn Affan, l'homme aux deux lumières. Ajib, subhanallah. Ils ont commencé à parler sur lui, à diffuser des calomnies, à mentir sur Uthman ibn Affan. Ils ont commencé à l'insulter, leur calife, celui qui faisait que du bien, qui essayait d'aider les autres. Celui qui était la cause après Allah subhanahu wa ta'ala et qui était la cause aussi que les gens vivaient dans la sécurité et ils prospéraient. Eh bien, ils ont commencé à le dénigrer, à l'insulter. Et eux, qu'est-ce qu'ils prétendaient ? Vous savez qu'est-ce qu'ils prétendaient ? La même chose que prétend les troubleurs, les perturbateurs de nos jours, al-islah, la réforme, le bien. Al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Ils prétendaient recommander le bien et réprimer le blâmable. C'était leur prétention. Vous allez voir qu'en réalité, c'était que dunya qu'ils voulaient. C'est de la dunya qu'ils voulaient, comme à notre époque. En vérité, ceux qui se sont insurgés contre les autorités, c'était la dunya qu'ils voulaient. Comment on l'a su ? C'est qu'après, ils se sont battus pour le pouvoir. Ashab ad-dunya. C'est la dunya qu'ils voulaient. Et bien à la fin, ni ils ont eu la dunya, ni ils ont eu le din. La shay. Comme a dit le Cheikh Ibn Taymiyyah lorsqu'il parle des perturbateurs, il dit وَمَا أَقَامُوا دِينَ وَلَا أَقَامُوا الدُّنْيَا. Ni ils ont eu الدين, ni ils ont eu la dunya. مَا أَقَامُوا شَيْءٍ. Ils n'ont rien fait, si ce n'est la dissension. Alors, de là, ذَكَرَ سَيْفْ ibn Omar. Un homme, Saif ibn Omar, il va mentionner la cause. Qui est la cause de ce mouvement contestataire contre Uthman ibn Affan? Regardez ce qu'il va dire. Quelle est la cause? Il dit سبب تأليب الأحزاب على عثمان أن رجلا يقال له عبد الله بن سبأ. عبد الله بن سبأ كان يهوديا فأظهر الإسلام وصار إلى مصر فأوحى إلى طائفة من الناس كلام اخترعه من عند نفسه مضمونه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي بن أبي طالب ثم يقول الخبيث فعلي أحق بالإمارة من عثمان فعثمان معتد في الولاية مما ليس له فأنكروا علي وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. La cause de toute cette de ce mouvement contestataire, c'est un homme qui s'appelait Abdallah ibn Saba. Je pense que vous tous avez déjà entendu parler de ce fatan, ce khabith, hein, Abdallah ibn Saba. Abdallah ibn Saba est le fondateur, il est à la tête d'une grande secte qui sera nommée As-Saba'iyya. As-Saba'iyya. Et il est à la tête, c'est le début du tashayyu', du schisme. C'est le début. Et Abdallah ibn Saba, lorsqu'il est apparu, il appelait les gens à l'adoration de Ali ibn Abi Talib. De Ali ibn Abi Talib. Et c'est lui qui essayait, et lui à la base, il est. Cet homme-là est issu d'une tribu juive, Adakan Yehudi, et il a fait montrer en apparence l'islam, et lui essayait de propager le fait que le prophète, alayhi salatu wassalam, après sa mort, que le prophète avait recommandé que après sa mort, celui qui lui succéderait, ça serait Ali ibn Abi Talib. Donc il a commencé ici à ancrer, à inculquer aux gens que le successeur légitime du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après lui, c'est Ali ibn Abi Talib. Donc, il propageait le fait que Uthman n'est pas légitime. Il n'a pas la légitimité pour être le troisième calife. Donc ça nécessite de prétendre que Abu Bakr aussi et Omar aussi. Et là, Abdallah ibn Saba, cet homme-là, Abdallah ibn Saba, lui a essayé de propager cela. Et il propageait cela, l'légitimité de Uthman ibn Affan. C'est bien de connaître les causes de ce mouvement contestataire. Comment est-ce qu'il est apparu, cette hérésie, comment est-ce qu'elle est apparue pour pouvoir ensuite, et ben c'est ça, diagnostiquer quelque chose pour nous, à notre époque, nous épargner et ne pas sombrer dans ces fitons, dans ces troubles. Et vous allez voir jusqu'à où ça va mener. Alors, il est dit qu'ensuite, il a commencé à faire apparaître que celui qui était digne, c'était Ali ibn Abi Talib. Alors il a commencé premièrement à propager ça de manière secrète. Au départ, ça se propageait de manière secrète. وَقَالَ لَهُمْ إِبْنُ سَبَا. Ensuite, lorsqu'il a commencé à propager ça, il en a abouti à leur dire quoi? Il faut faire tomber le calife. Il faut faire tomber Uthman ibn Affan radiallahu ta'ala. يعني أَشَارَ إِلَيْهِمْ إِسْقَاطْ الْخَلِيفَ. Et comment il a commencé à propager cela? En dénigrant, en insultant Uthman ibn Affan, et même en parlant en dénigrant les savants de l'époque. Donc, al-umara ou al-ulama. Donc, il a commencé à dénigrer les savants de l'époque parmi les compagnons, et il a commencé à dénigrer aussi les autorités. Que ce soit Uthman ibn Affan, ou que ce soit aussi les différents gouverneurs que Uthman avait nommé pour diriger chaque contrée et gouverner, administrer chaque contrée. C'est pas ressemblant. On voit les héritiers à notre époque. Regardez, lorsqu'ils veulent insurger ils veulent soulever des sociétés, qu'est-ce qu'ils font? Ils dénigrent l'autorité, ils insultent l'autorité, et les ulama aussi, en disant les ulama du pouvoir, ulama sultan, les ulama du pouvoir, les ulama de si. Regardez comme aujourd'hui beaucoup lorsqu'ils parlent sur le royaume d'Arabie, en disant le roi, en le dénigrant, en l'insultant, en l'injuriant, en le maudissant aussi, et en l'excommuniant de l'islam. Et c'est comme si ces gens, lorsqu'ils ils s'insurgent avec leurs paroles contre, par exemple, le roi, on donne des exemples précis, c'est comme si que eux, alors ils se verraient mieux à sa place. C'est comme si eux, alors ils feraient mieux à sa place. Donc ils insultent et en même temps, ils dénigrent les savants. Dénigrent les savants. Et ça, c'est le début de l'fitna. Lorsqu'avec nos paroles, on commence à diffamer, à calomnier, à dénigrer les autorités, qui sont aussi bien l'autorité ici, ceux qui détiennent le pouvoir, et dénigrer en même temps les gens du savoir, de la science, les savants. Et ça, regardez, beaucoup qui le font, ils l'ont hérité de Haoula, et en l'occurrence, Abdallah ibn Saba, et de tous ces mouvements contestataires qui viendront ensuite. Regardez, on continue. Un jour, un homme, Saïd ibn al-As, avait compris le complot. Il a compris qu'est-ce qui était en train de se passer et qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire contre Uthman ibn Affan. فطن سعيد بن العاص وكان احد امراء عثمان فطن الى هذه المجتمعات او التجمعات عفوا الى هذه التجمعات السريه. Lui, lorsque Saïd ibn al-As, et lui il faisait partie des gouverneurs, il a compris le stratagème et ce qui se faisait, ce complot qui se faisait sur Uthman. Alors ensuite il s'est adressé à Uthman ibn Affan parce qu'il avait compris qu'il y avait des assises secrètes qui étaient en train d'attiser la haine au sein du peuple et des sociétés. Faqala fanasaha Saïd li Uthman, il a conseillé à Uthman en lui disant ya amir al-mu'minin, au prince des croyants, hada amrun masnu' يلقى في السر فيتحدث به الناس ودواء ذلك طلب هؤلاء. Il dit à Uthman, « Ya Amir, auprès des croyants, ils sont en train de fabriquer quelque chose. Ils sont en train de faire des discussions secrètes. Et le remède de cela, c'est de les convoquer, de les appeler. » طيب. فلما أدرك ذلك عثمان رضي الله تعالى عنه. Lorsque Uthman ensuite a pris conscience de ce qui s'était propagé, de ce grand mouvement révolte hein, qui s'est propagé, alors Uthman sa'ad al-minbar wa khatab an-nas. Uthman est sorti, il est monté sur la chair, il a commencé à exhorter les gens. Il les a exhortés. Et alors, il leur a mis en garde contre la fitna, de faire attention contre les troubles. Il leur a rappelé l'obéissance, l'importance d'obéir aux autorités. Et l'obéissance et l'écoute dont ils doivent faire preuve. Il les a exhortés avec une exhortation énorme, une belle exhortation. Et nous, pour résumer, et il a répondu aux accusations. Et lorsqu'ils l'ont accusé d'être trop bon avec les membres de son clan et de sa famille, il leur a bien stipulé que ce qu'il donnait, parce que ça faisait partie des fausses prétentions, alors il a bien dit que ce qu'il donnait à ses proches et à sa famille, c'était de sa propre argent, de ses propres biens, de ce qu'il donnait à ses proches. Donc après les avoir exhortés, il leur a dit de faire attention à la fitna, aux troubles et au danger de dénigrer. Enfin, ensuite, il est revenu chez lui, radiallahu ta'ala, anhum. Il s'est produit un calme pendant un moment. ولكن أهل الفتنة لم ينزجروا. Mais les gens de la fitna et qui voulaient le trouble n'ont pas cessé. Ils ne s'en sont pas arrêtés là. Alors ils ont continué avec à leur tête Abdallah ibn Saba, de révolter les gens. De révolter les gens. Et toujours, il les incitait à se lever. Il voulait vraiment que les gens se lèvent et se soulèvent contre Uthman ibn Affan. Uthman ibn Affan. Jusqu'à ce que tellement, ensuite, leur mouvement de contestation, il s'est propagé. Le grand tabi'i, vous savez, Sa'd ibn Musayyib, l'un des plus grands tabi'i, hein, il disait qu'à cette époque, il y avait même, il rapporte un fait, pour vous dire tellement qu'ensuite, cette diffamation, ce riba, cette namima, vous savez, namima, ça se propage à une grande vitesse. Eh ben, il y avait une femme, c'est pour décrire le contexte. Il y avait une femme qui était revenue de la maison de la trésorerie des musulmans. Elle était revenue avec des offrandes, des sadaqats qui lui avaient été données. Elle est revenue pleine avec des offrandes et des sadaqats. Comme on avait dit, il y avait la trésorerie des musulmans qui était tous les gens qui étaient aisés, donnaient de leurs biens pour ensuite que ça soit leur zakat, leur aumône, pour que ça soit redistribué aux nécessiteux et donc aux pauvres. Et aux pauvres. Donc les gens venaient. Et pour illustrer le contexte, il y avait une femme pauvre, alors qu'il revint avec plein d'offrandes et de sadaqa, des aumônes. Elle revint pleine. Elle est revenue pleine. Et il rapporte, فَكَانَتَ الْمَرْأَ تَجِي فِي زَمَنْ عُثْمَنْ إِلَى الْبَيْتِ إِلَى بَيْتِ الْمَالِ. Et la femme, à l'époque, elle revenait donc بَيْتِ الْمَالِ فَتَحْمِلْ الْحَمْلَ الثَّقِيلِ. Et elle porte ces lourdes offrandes. وكان من الخير والعطايا وتقول اللهم بدل اللهم غير يعني عثمان وهي تغني عثمان. Et lorsqu'elle portait ses lourdes offrandes et ses aumônes et ce bien immense, en même temps elle disait ô Seigneur change, enlève Uthman ibn Affan. Et regardez, vous voyez le contexte? Tellement la diffamation elle s'est propagée, tellement namima, la calomnie elle s'est propagée jusqu'à une femme, ça va jusqu'à au seuil d'une femme qui va chercher les offrandes, elle a du bien, au mieux de remercier les gens, et celui qui n'a pas remercié les gens, il n'a pas remercié Allah. Celui qui ne remercie pas les gens, il n'a pas remercié Allah. Et bien au mieux de dire cela, déjà à l'époque elle disait, ô Seigneur, baddil, ô Seigneur, ghayr, ô Seigneur, change. Ô Seigneur, change Uthman ibn Affan. Tellement que ce mal s'était répandu. Et c'est vrai que lorsqu'il y aura la disparition de Uthman, ça va changer. Tout le khair qu'ils avaient, tout le bien qu'ils avaient, toute cette baraka, cette abondance qu'ils avaient, vous allez voir après la disparition de Uthman, tout va changer. Et là, ils vont goûter. Vous allez voir que tout va changer dans ce qu'on va dire. C'est pour ça, ceux qui ne remercient pas, et on le voit même à l'heure actuelle, ceux qui ne remercient pas les gens, ils n'ont pas remercié Allah, subhanahu wa ta'ala. Moi, je me rappelle, c'est juste un petit exemple, des fois, on illustre avec des petits exemples pour bien comprendre. à l'époque, dans un merkez, vous savez, le merkez de Sheikh Maqbel ibn Hadi, rahimahullah, dans son merkez, dans son centre d'études, le Sheikh, il donnait une bourse pour les étudiants. Pour les couples, pour ceux qui étaient étudiants. Il y avait un quartier à l'époque, dans le village, qui était pour les célibataires. Et eux, ils avaient de la nourriture, tout ça. Ils mangeaient au merkez. Et mashallah, il y avait des cuisiniers qui cuisinaient. Donc les toulab, même s'ils venaient, ils n'avaient pas, par exemple, d'argent. En tout cas, ils avaient trois repas par jour. Ils avaient leurs trois repas par jour et ils étaient aidés. Et il y avait un quartier pour les mariés. Donc le quartier des célibataires, il y avait un quartier aussi pour les mariés. Et eux, les mariés recevaient une bourse tous les mois. Ils recevaient une bourse tous les mois. Et tous les mois, une petite aide. À l'époque, c'était en francs, c'était à peu près 3000 riyals yéménites. Ce qui représentait 150 francs. C'était du franc. 150 francs, à l'époque, pour le niveau du pays, c'était une bonne aide. Une famille en vivant normalement et sans se priver énormément, normalement, elle pouvait vivre par exemple avec 9000 riyals yéménites, elle vivait le mois. Ce qui représentait à peu près 300, combien 9000 riyals, donc 450 francs. Elle pouvait vivre un mois, quand même 150 francs de donation. Et là à l'époque, il y avait un mouvement pareil de contestation, il disait il ne faut pas étudier avec le shir. Alors qu'à l'époque, le shir qui était au merkez, c'était le suppléant, celui dont Cheikh Maqbel avait laissé après lui. Et dans son testament, il a dit que un tel parmi ses élèves, il ne devait pas descendre de la chaise, de l'enseignement. Et donc, il a laissé un de ses grands élèves le suppléanter. Et lui succéder après sa mort. Et à l'époque, l'élève, là, le shir avait tesquia de le mashayikh, il n'y avait pas de problème. À l'époque, le shir, il avait tesquia, tout ça. Déjà, il y avait un mouvement. Des gens venaient dire, attention, faut pas étudier avec le shir, attention. Il venait déjà un mouvement contestataire. Et un jour, un frère s'est adressé à l'un d'eux qui propageait ces choses-là. Il a dit, quand même, il y a du bien. On est là, on a une bourse. On a une bourse, ils aident en famille et ils donnent quand même une petite bourse. On peut vivre sans, attention, ce qu'ils donnaient. Ils donnaient de la nourriture. Les familles avaient droit à des sacs de blé. C'est vrai, pour vous, ça vous parle pas, puisqu'on est dans une société industrielle. ça parle pas. Mais les gens, vous savez, pour les gens du village, avec ça, ils faisaient du pain. C'était de la richesse. Ils donnaient des dattes, des grandes boîtes, des belles dattes, des dattes. Et, machallah, il y avait souvent des cadeaux. Pour le Eid, ils offraient pour un nombre de familles, par exemple, un mouton, un agneau, pour un nombre de familles. Pour le Eid, les familles avaient tous un mouton à se partager. Par exemple, je me rappelle plus c'était combien de familles, 3-4 familles, ils avaient un agneau ou 2 familles, 3 familles. Et pour le Eid, pour le genre de la fête, ils immolaient. Alhamdulillah, tout le monde était content, le baraka. Même un jour, le grand savant, Cheikh Mohammed ibn Abdelwahab al-Wassabi, un jour il est venu, il a fait une conférence, il y avait même des frères qui voulaient rentrer, ça y est. Il voulait rentrer. Il a fait une conférence, il a dit, subhanallah, vous êtes dans une yama, vous vivez comme à l'époque des compagnons. Comme à l'époque des compagnons, dans la simplicité. Dans le bien, il n'y avait pas d'électricité. c'était une yama. Les gens s'en rendaient même pas compte. Il y avait de l'entraide, de la mahabba, des cours, le mahabba, la sunna. La sunna, elle était vécue. Subhanallah. Et là, un mouvement contestataire. Il disait, attention, il faut pas étudier avec le shir, attention. Et on disait, mais comment ça, les savants nous disent qu'il faut apprendre l'arabe, se concentrer sur la langue arabe. Tawhid, non, Eddie Shuba, ça c'est une ambiguïté. Et lorsqu'on leur rappelait les bienfaits qu'il y avait, la distribution des denrées alimentaires, la bourse qui nous font du bien, etc., ils accueillent. Et là, aucune reconnaissance et de l'ingratitude. Aucune reconnaissance et de l'ingratitude. Il y en a même qui faisaient dora pour que le shir soit plus là. A'udhubillah. Vous savez, l'histoire se répète tout le temps. L'histoire se répète tout le temps. Un manque de reconnaissance. Et bien là, Uthman, qui était le calife, qui leur a fait du bien, regardez, cette femme, c'est pour ça que ça nous rappelle ça, cette femme, elle sort avec des sacs d'offrandes. C'était thaqil, tahmil, là, quelque chose de lourd, des sacs d'offrandes, au lieu de dire, Ya Rab, récompense Uthman pour sa fidélité. Et en l'occurrence, dans son discours, Uthman, il disait, moi je suis sur l'ordre et le même règne, je suis resté sur les règles de Abu Bakr, des deux chirs, il disait, des deux chirs. Lorsqu'il disait des deux chirs, il voulait sous-entendre Abu Bakr et Omar. Qu'est-ce qu'il leur a fait? Que du bien. Et là, cette femme, au lieu de dire, Ya Rab, récompense Uthman ibn Affan, elle dit, Ya Rab, enlève-le, change, bête-il, vous allez avoir changement. Et Naham, elle voulait le changement, elle va avoir le changement, et vous allez voir. Taïb. C'est pour cela que le hadith du prophète est immense. Le fait de celui qui n'a pas remercié les gens, il n'a pas remercié Allah. Il faut être reconnaissant dans la vie. Summa, dans la contrée d'Égypte, à l'époque, dans la contrée d'Égypte, là, il y a une fraction qui s'est soulevée. Ça commença en Égypte. À l'époque, une fraction qui s'est soulevée. Taïfa a commencé à Taïfatun yatun an-nas ala harbi Uthman wa linkari Ali. Un groupe, donc, a commencé à se soulever, se préparer, et qui était composé à peu près de 600 cavaliers. 600 cavaliers yadhabuna ila al-Madina. في صفة معتمر في صفة معتمرين في شهر رجب لينكروا على عثمان. Donc ce groupe, à peu près de 600 cavaliers, alors ils se sont dirigés vers Médine. Mais en apparence pour faire un petit pèlerinage, alors Umrah. Ils ont dissimulé leur vraie intention. pour faire un Umrah, un petit pèlerinage. Et de là, les historiens disent que c'était au mois de Rajab. Au mois de Rajab. وقام بمصر أعوان لهم يدافعون عنهم ويؤلبون الناس على عثمان. Mais leur but en réalité c'était de se révolter contre Uthman et de désapprouver et de réprimander Uthman ibn Affan. Donc des gens d'autres contrées se sont rejoints à eux et ont adhéré alors à leur mouvement. فلما اقتربوا من المدينة خرج إليهم علي بن أبي طالب وهم بالجحفة. Lorsqu'ils se sont approchés, rapprochés, ils sont arrivés pas trop loin de Médine, à cette région de Al-Jurfa. Alors, Ali ibn Abi Talib est parti à leur rencontre. Ali ibn Abi Talib est sorti. Il est parti à leur rencontre parce qu'il a entendu parler de ces gens qui venaient. فخرج علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وكانوا يعظمون علي ويبالغون في أمره لكنه رضي الله تعالى عنه لم يعبأ بذلك بل أنهم بل أنبههم وشتمهم ونصح لولي أمرهم يقال إنه ناظرهم في عثمان وسأله ماذا ينقمون علي فذكروا له أشياء فأجاب علي عن ذلك ودافع عن أخيه عثمان ابن عفان أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنهما. Lorsque il arriva à la rencontre, il leur a demandé qu'est-ce qui les amène ici. Alors ils ont commencé à lui faire part de leurs reproches qu'ils avaient contre Uthman. Donc ensuite Ali ibn Abi Talib a débattu avec eux. Ce qu'il faut savoir, ce qui est dit, c'est que eux respectaient Ali, ils vénéraient Ali radiyallahu ta'ala an. Donc lorsqu'ils ont vu Ali, du fait qu'ils respectaient Ali et vénéraient Ali radiyallahu ta'ala an, Ali donc a commencé à s'entretenir avec eux. Sauf que Ali a été dur avec eux, il les a conseillés, il leur a dit d'arrêter, il les a blâmés. Et ensuite, il a débattu avec eux. Qu'est-ce que vous reprochez à Uthman, radiallahu ta'ala an? Et lorsqu'ils ont fait part de leurs reproches, il a défendu Uthman. Il a défendu Uthman, radiallahu ta'ala an, dafa'an akhi Uthman, radiallahu ta'ala anhum, ajma'in. Taïb. Donc après son, pour résumer, pour avancer, après qu'il ait défendu Uthman, plus tard, un jour de vendredi, Uthman est sorti, wa khataba Uthman, khataba an-nas. Et ensuite, Uthman a commencé à faire un serment. Il a sermonné les gens, en les exhortant. Faqala Uthman, Allahumma inni astaghfiruk, wa atubu ilayk, Allahumma inni awwal ta'ib mimma kana minni, awwal ta'ib mimma kana minni. Alors ensuite, il a commencé à dire, « Ô Seigneur, je me repentis. Ô Seigneur, je te demande pardon. » Atubu ilayk. Et Uthman a commencé à pleurer. Et fabakan nas ajma'in. Et les gens qui étaient autour, ou ajma'un. Fabakan nas ajma'un. Tous les gens qui étaient autour ont commencé à pleurer aussi avec Uthman ibn Affan. Faqala lahum. Ensuite, les gens ont été pris d'une compassion. Les gens qui étaient autour ont été pris d'une compassion pour Uthman, qui était leur imam. Wa ashhada Uthman an-nas 'ala nafsihi bidhalik wa annahu qad lazima ma kana 'alayhi ash-shaykhan Abu Bakr wa Umar radiyallahu 'anhuma wa qad sabbala baba liman arada ad-dukhul 'alayhi la yamna' ahad min dhalik fa hada'at al-umur qalilan. Et c'est là que Uthman, il leur dit que il s'est imposé à lui-même ce que faisaient Abu Bakr et Omar de leur temps. Et il disait que sa porte, elle était ouverte. Elle était ouverte pour toute contestation, pour toute demande. Et Uthman avait laissé sa porte ouverte pour tous ceux qui avaient des demandes. Uthman était bon envers les gens. C'est pour cela qu'il est même dit qu'à l'époque, que quand il était calife, Uthman ibn Affan, il est même dit que parfois il faisait sa sieste à la mosquée. Imaginez-vous, l'émir des croyants, l'autorité, il fait sa sieste à la mosquée. N'importe qui pouvait rester avec lui, dormir avec lui. Et il leur faisait manger de ses repas. C'est-à-dire, il mangeait le repas du roi, C'était pas le roi, mais c'est pour vous faire comprendre. Imaginez-vous un roi que les gens peuvent faire la sieste avec lui dans la mosquée en toute simplicité et vous mangez avec le roi le repas du roi. Où vous voyez ça? Un dirigeant comme ça, avec une simplicité. Et même il disait, lorsqu'il montait sur le minbar, alors que vous connaissez le passé de Uthman. Uthman est né dans une famille noble. Il a grandi dans une famille noble. Et ben Uthman, il même dit, lorsqu'il montait sur le minbar, avec des vêtements très modestes, il portait un hizar. Et une apparence très modeste, Uthman ibn Affan. Donc Uthman était connu même pour ouvrir sa porte. Pour ouvrir sa porte, et tous les gens qui avaient des requêtes, des demandes, eh ben, il accordait, il écoutait les différentes requêtes et demandes. Sauf que, ensuite, lorsqu'il les exhortait, et les gens autour ont pleuré, ils ont pleuré avec lui, donc ça s'est calmé un moment. Ça s'est calmé pendant un moment. Ensuite, après cela, Muawiyah, le célèbre compagnon, Muawiyah, qui était scribe aussi du prophète, alayhi salatu wassalam, a envoyé un message à Uthman. Il s'adressait à Uthman, فَكَتَبَ إِلَى عُثْمَانَ يُحَظِّرُهُ مِنْ هَؤُلَا وَيَصِفُهُمْ لَهُ بِقَوْلِهِ. Muawiyah, regardez. Ensuite, il va écrire à Uthman, lui envoie un message, et il va le mettre en garde contre ces gens-là, contre ce mouvement contestataire, et regardez comment il va les décrire. Regardez le compagnon, Muawiyah ibn Abi Sufyan, Muawiyah, le scribe du prophète, regardez ce qu'il va dire à Uthman. Il va les décrire, subhanallah, en résumé d'une description très pertinente. Regardez ce qu'il dit. Yasifum yaqul hum aqwamun laysa lahum uqul wala adyan. Il dit à Uthman, ces gens-là, ils n'ont ni de uqul, ni de raison, ni de religion. Laysa lahum uqul wala adyan. Ces gens-là, ces contestataires, ni le nom de religion, ni le nom de raison. La yuridun Allah bishay. La yuridun Allah bishay. Il dit, en réalité, il ne recherche pas Allah Jalla wa Ala dans tout ça. L'agrément d'Allah Jalla wa Ala. Regardez ce qu'il dit. Wa la yatakallamuna bi hujja. Innama hammuhum al fitna wa amwal ahli dhimma. Il dit, et en réalité, ces gens-là, ils ne parlent avec aucun argument et aucune preuve. Aucun argument et aucune preuve. Ils veulent juste la dissension, la fitna. Ils veulent juste le trouble et amwal ahl-dhim. Et ce qu'ils veulent, c'est les richesses. Vous avez vu comment il les a décrits, Muawiyah ? En réalité, dans tout ça, il n'y a pas de amr bil ma'ruf wa nahy an munkar. Il n'y a rien de tout ça. C'est des gens qui veulent la fitna, qui veulent la dissension. Et il les décrit comme étant des gens la uqul lahum wa la adyan, ni nom de raison ni nom de adyan, wa la yatakallamuna bi hujja, et ils ne parlent avec aucun argument. Vous avez compris pourquoi à chaque fois que lorsqu'il y a une dissension, il y a de la diffamation, pourquoi on demande les dalil? C'est important, ad-dalil. Il y a une personne qu'on diffame, il faut ad-dalil. Là Muawiyah dit, haoula, il parle sans preuve, la shay. Thumma, donc ça c'est la description que Muawiyah avait fait à Uthman concernant ces gens-là. Mais al-Maftunun, ces gens-là, ce mouvement a continué. Et regardez. فَتَكَتَبَ هَوْلَا الْمَفْتُونُونَ مَرَّةً أُخْرَى مِنْ مِصْرِ إِلَى مِصْرِ. Et regardez ce qu'ils vont faire. Donc ces gens-là ont continué à s'envoyer des messages, à propager des messages dans les sociétés, de contrer, à contrer pour dénigrer Uthman ibn Affan radiallahu ta'ala an. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ils ont falsifié des écrits. Ils ont falsifié des écrits disant que c'était des écrits, en mentionnant que c'était des écrits de compagnons. Donc ils ont propagé des écrits et des messages, hein, des sortes de missives, en prétendant que ça provenait de compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, qui les exhortaient à cette contestation-là et à ce dénigrement-là. Donc, fazayyafou, ils vont commencer à falsifier des messages qui vont se propager. Fa walidhalik qil wa tarasalu wa zuwirat kutub ala lisan as-sahaba alladhina bil Madina. Alors par exemple, ils ont commencé à propager des livres et ils disaient que ça provenait de certains compagnons de Médine, Ala Lissani, par exemple, il disait que ça provenait de Ali ibn Abi Talib, par exemple, de Talha, de Az-Zubayr. Yad'un al-Nas ila qital Uthman. Donc, et de là, il disait que ces missives appelaient à s'insurger contre Uthman ibn Affan, radiallahu ta'ala an. نواصل كلامنا في التاريخ وفي قصة عثمان بن عفان أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. Donc les frères, on va continuer inchallah sur la la mention et la citation de certains passages de la vie du troisième calife Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala an. Et comme on avait dit tout à l'heure lorsqu'on a commencé sur l'histoire et la biographie de Uthman ibn Affan, on a dit qu'il y avait beaucoup de leçons à tirer, et c'est un cours qui est immense et énorme. C'est pour ça que si vous regardez par exemple sur ce sujet, vous allez voir que beaucoup de savants ont traité ce sujet. Pourquoi? Du fait de ces nombreuses leçons et cours et exhortations qu'il y a lorsqu'on lit la biographie et la vie de Uthman ibn Affan. Vous allez voir, c'est une leçon, une exhortation sur la piété, le fait d'être pieux, sur les bonnes moralités, sur le bon comportement, sur la pudeur. Pourquoi? Parce que Uthman ibn Affan était connu pour sa pudeur, il était connu pour sa bonne moralité, il était connu pour son bon comportement, il était connu pour l'entraide, l'aide qu'il prodiguait aux nécessiteux, aux pauvres, il était connu pour le bien qu'il voulait pour la communauté, il était connu aussi pour son règne, l'équité et la justice dont il faisait preuve. Donc Uthman ibn Affan était un modèle dans tous les aspects de bonne moralité, de bonne mœurs. C'est pour cela que même à l'époque, lorsque vous lisez dans sa biographie, vous verrez que même à l'époque, les Quraysh, avant qu'ils soient musulmans, avant qu'ils embrassent l'islam, aimaient Uthman ibn Affan les gens. Pourquoi? Parce qu'il était déjà connu pour sa bonne moralité, ses bonnes mœurs, était connu pour son bon comportement. Par exemple, Uthman ibn Affan, il était connu avant, à l'époque de l'Jahiliya, comme on dit, au temps pré-islamique ou anti-islamique, il était connu qu'il a lui-même dit « Je n'ai jamais commis la fornication », que ce soit au temps de l'Jahiliya et après l'islam aussi, pendant qu'il était musulman. Jamais il a commis la fornication, même au temps de l'Jahiliya, à l'époque pré-islamique. Il ne connaissait pas la zina, la fornication et l'adultère avec les femmes, il ne connaissait pas ça, Uthman ibn Affan. Il disait que par exemple, lui, il ne buvait pas de l'alcool. Il n'aimait pas le khamr, l'alcool. Il ne s'adonnait pas aussi à l'idolâtrie. Il ne pratiquait pas, il n'aimait pas l'adoration des idoles. Donc déjà, vous avez vu à l'époque pré-islamique, à l'époque de l'Jahiliya, en ce temps-là, Uthman ibn Affan avait des bonnes moralités et des bonnes mœurs. Et déjà, il était sur un bon et sur des nobles comportements. C'est pour ça que c'est... Lire l'histoire de Uthman ibn Affan, c'est un rappel. C'est un rappel sur de nombreux aspects, que ce soit la piété, que ce soit, comme on a dit précédemment, le bon comportement, la fidélité, l'honnêteté, le fait de donner en aumône de ce qu'on a pour aider les autres. Moi, c'est pour cela que là, ce qui va suivre dans cette histoire, c'est chez Ajib. Si les gens se sont comportés comme cela, comme vous allez voir avec Uthman, vous allez voir ce que les gens ont fait à Uthman. Peut-être que parmi vous, certains ont déjà lu l'histoire, donc ça va être un rappel. Et peut-être que parmi vous, certains, vous allez découvrir. Et là, vous allez vous étonner. Comment des gens ont pu en arriver là? Comment la bêtise peut atteindre un tel sommet? C'est Ajib ce qu'ils ont fait à Uthman ibn Affan. Parce que même si cette personne n'était pas Uthman ibn Affan, arrivé à un âge pareil, on ne fait pas ça à des vieilles, à des personnes qui ont un âge. Mais vous allez voir, déjà des personnes qui ont un âge avancé, on ne leur fait pas ça. Vous allez voir ce qu'ils ont fait à Uthman ibn Affan. Alors quel est le cas en plus de Uthman ibn Affan? Et tout à l'heure, le fait que, vous avez vu, je vous ai dit, le temps est très court. Le temps est très court. Parce que déjà les savants, juste pour... Étayer certains passages de la vie de Uthman ibn Affan, vous voyez, il y a des conférences de certains mashaykh, par exemple, et je vous recommande une belle, par exemple, de celle de Sheikh Sulayman al-Rahili. Il en a une belle qui dure déjà en arabe toute seule une heure. Alors imaginez-vous de par exemple, de reprendre une heure en arabe, de traduire, etc. Déjà, vous avez vu le temps que ça prend. Déjà, juste en arabe, vous avez une belle conférence de Cheikh Sulayman Rahaili que je conseille. Hein. Je conseille aux frères qui sont arabophones d'écouter une très belle. Et là, il relate aussi l'histoire de Uthman ibn Affan Ajib. Même Cheikh, il dit, il faut tirer des leçons de ça. Et vous allez voir à la fin, qu'est-ce qu'on dira? Que si ils en sont arrivés là, avec Uthman ibn Affan, le troisième calife de l'islam, avec toutes les moralités et les vertus qu'avait Uthman ibn Affan, et le prophète l'aimait tellement, il l'aimait, il lui a marié deux de ses filles. On avait dit, lorsque Ruqayya est décédée, l'une des filles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète lui en a marié une autre. Subhanallah. Et bien, malgré cela, les gens sont arrivés là. Alors ensuite, ne vous étonnez pas, c'est pour ça qu'on n'est pas étonné. On n'est pas étonné, par exemple, que dans des époques précédentes ensuite, ou à notre époque, que des soufaha, des gens stupides et idiots, insultent les savants. C'est pas étonnant. C'est les gens à l'époque, ils ont pu se passer de la science des compagnons et insulter des compagnons et leur faire ce qu'on va lire, ce qu'ils ont fait, à des compagnons avec un niveau immense comme Uthman ibn Affan. En plus, c'est l'autorité. C'est d'autant plus grave. C'est encore plus grave puisque c'est l'autorité. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a enjoint, il a ordonné sam' wa ta'a, l'écoute et l'obéissance. Surtout en plus dans d'autres hadiths, c'est l'écoute et l'obéissance que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne. Mais en plus là, on parle des califes bien guidés, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit comme étant les califes bien guidés. Et ils ont réussi à s'insurger. Et ils ont réussi à sortir contre les califes bien guidés. Contre Uthman en l'occurrence. Contre Uthman. Ils ont réussi à le dénigrer, à l'insulter, et vous allez voir comment ils vont le tuer. A'udhu billah. Regardez l'innovation jusqu'à où ça va. Troisième calife de l'islam, l'homme aux deux lumières. Et comme je vous ai dit précédemment, il y a certains hadiths vantant les mérites et les vertus de Uthman qu'on n'a pas lu. Si on a le temps ensuite, on va les lire pour que vous compreniez comment la place qu'il avait et quelle était la place auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'avait ce compagnon Uthman ibn Affan. Et on va tirer des leçons. C'est pour cela que c'était pas étonnant aujourd'hui que des gens parlent sur les savants, ils parlent sur les autorités, sur les gouvernants. C'est pas étonnant. Uthman n'a pas été à l'abri avec toutes les vertus. Alors, pensez-vous que des gens qui viendront des siècles plus tard, qui n'ont pas forcément la tazkiya, hein, qui n'ont pas forcément les éloges du prophète alayhi salatu wa salam, puisqu'on est dans une autre époque, mais des gens qui essayent de suivre, hein, l'héritage de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prendre comme il se doit et il le faut, n'est pas étonnant que eux, à plus forte raison, ils vont pas être à l'abri, eh ben, des langues mauvaises et des mauvais individus et des mauvaises intentions, des malveillants et des mal intentionnés. C'est pas étonnant. Ce qu'on voit à notre époque, eh ben, regardez. Quand on a dit que tout à l'heure, regardez ce qui s'est passé. Des gens ont commencé à propager des écrits. Parce qu'on a dit, il y avait un mouvement de contestation et de révolte qui était en train de se propager. Donc, il y avait des infiltrés. Il y avait des gens qui complotaient contre Uthman, radiallahu ta'ala an. Et tout à l'heure, on a parlé de cela. À un moment donné, pour vraiment propager le fitna, pour intensifier le trouble, si vous voulez, et la fitna, ils ont commencé à propager des écrits au nom de compagnons qui étaient à Médine, comme on a dit. Par exemple, des écrits au nom de Ali ibn Abi Talib, radiallahu ta'ala an, des écrits au nom de Talha, et des écrits au nom de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam de Médine. C'était falsifié. Et des écrits, ici, qui incitaient les gens à s'insurger contre Uthman ibn Affan, radiallahu ta'ala an. Alors, ils ont falsifié des écrits, menti sur les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour soulever les masses contre Uthman. C'est pas tout. Regardez les comploteurs, qu'est-ce qu'ils ont fait déjà à l'époque. Il est rapporté que, vous avez vu, pendant un moment on a dit que des gens justement étaient venus à Médine, des contestataires étaient venus à Médine. Ensuite certains sont retournés. L'affaire c'est Uthman ibn Affan était sorti, avait sermonné les gens et leur avait incité d'écouter, d'obéir, de faire preuve d'obéissance, de piété. Il les a rappelés à l'iman, à la foi, il leur a rappelé, leur a fait leur appel sur l'obéissance à Allah, de son messager et du dirigeant. Al-Muhim, lorsqu'il y a une sorte d'apaisement, certains sont retournés vers leur contrée. les comploteurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé un messager, un homme qui arrive en monture vers ces hommes, qui s'étaient un peu calmés. Et ils ont envoyé un homme, les comploteurs, vers eux, un homme qui avait la tête couverte sur sa monture. Et lorsqu'il arriva vers leur contrée, alors les gens l'arrêtèrent et lui dit: qui es-tu? Il dit: je suis un messager de Uthman ibn Affan et je porte un message. J'ai un message de Uthman ibn Affan pour le gouverneur de votre contrée. Ils ont dit: quel est ce message de Uthman ibn Affan? Donc il a sorti le message, ils lui ont pris le message et il y avait un tampon, on va dire, un tampon qui était à peu près similaire à celui de Uthman ibn Affan. Et dedans, le message disait, selon la prétention à eux, le message disait que Uthman ordonnait au gouverneur de tuer tous ces gens-là, de les tuer et de les punir pour leur révolte, du fait qu'ils soient venus à Médine avec leur intention de révolte et d'insurrection. Donc dedans, dans la missive, il était dit de les tuer, de leur couper les mains et les pieds. Avec un tampon similaire à celui de Uthman ibn Affan. Là, les gens vont être pris de colère. Uthman ibn Affan ordonne que le gouverneur de notre contrée nous punisse de cette manière sévère, très dure. Et là, ils vont être en colère. Et là, ils vont revenir à Médine. Vont revenir à Médine. Or, en réalité, ce message était faux. Uthman ibn Affan n'était pas au courant de cela. Uthman ibn Affan, radiallahu ta'ala, était innocent de cela. Écoutez, c'est une grande faïda. À l'époque, il n'y avait pas tous les moyens contemporains pour falsifier des documents. Aujourd'hui, il est très aisé et facile de falsifier des documents. À l'époque, ils l'ont fait pour attiser une fitna. Mais pensez-vous que, à notre époque, ils ne peuvent pas le faire encore? Maintenant, ils ont des moyens, ils ont des nouveaux moyens pour falsifier des documents, des vidéos, des paroles, des allocutions. C'est pour cela qu'il ne faut pas porter oreille à tout, surtout avec les nouveaux réseaux sociaux. Beaucoup de jeunes parfois disent « Regardez tel savant, qu'est-ce qu'il a dit ?» Mais parfois le shir ne l'a pas dit. Faites attention à ce que vous répandez. Faites attention à ce que vous propagez, surtout à l'heure actuelle. Regardez, à l'époque, ils ont propagé un faux message de Uthman ibn Affan avec un faux tampon. C'était pas le tampon de Uthman ibn Affan. Uthman ibn Affan n'était même pas au courant de ce livre, de cette missive, de cela. Et de là, ça a attisé une colère générale et ils sont retournés à Médine. Qu'est-ce qui va se produire? Alors, vous avez vu les comploteurs, qu'est-ce qu'ils ont fait pour attirer des masses avec eux? Pour qu'ils puissent mener à bien leur révolution et leur insurrection. Alors regardez qu'est-ce qu'ils ont fait. Et sachez qu'en réalité, ni ils veulent la réformation, l'amélioration, ni ils veulent l'amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Ce qu'ils veulent, c'est la dunya. Et c'est similaire avec beaucoup de gens de l'époque, lorsqu'ils s'insurgent contre les autorités. Ce qu'ils veulent, c'est la dunya. C'est comme Shir Suleiman al-Hayli, en l'occurrence. Il dit un jour, il a parlé avec un individu, justement, qui faisait partie des gens qui critiquaient l'autorité de leur pays. Sur Sulayman al-Hafidhullah, il dit, subhanallah, un jour l'homme lui dit, même si notre autorité, notre dirigeant, il est bon, on va s'insurger contre lui, se rebeller contre lui. Même s'il est bon. Ça, c'est ancré en eux. Le goût du désordre, de la division, de la dissension, c'est en eux. C'est en eux, c'est un manhaj. C'est une voie, c'est une méthodologie, c'est leur manhaj. Où ils passent, ils sèment la dissension. Le désordre. Fahad al-manhaj, il date de l'époque, l'insurrection. Regardez, si aujourd'hui, beaucoup ont peur de musulmans et comparent les musulmans avec les attentats, assimilent les musulmans aux attentats. Ils leur font peur. Maintenant, même le terme « Allahu Akbar », les gens en ont peur. Ils ont peur d'attentats, de bombes, Des caricatures ont été faites sur le prophète sallam. Pourquoi? Parce qu'il y a des jeunes stupides, des sots, des imbéciles, qui ont véhiculé une image de notre religion, et eux, ensuite, comme il est dit dans le hadith, le prophète sallam dit que ces extrémistes, يَمُرْقُونَ مِنَ الدِّينَ كَمَ يَمُرْقُ السَّهْمْ مِنَ الرَّمِيَّ. Ils sortent de la religion, très rapidement, subhanallah. Et ensuite, c'est qui ensuite qui est pris en otage? Et en otage. Et ensuite, avec nos termes à nous, hein, notre expression nous qui paye les pots cassés, c'est ceux qui essaient de s'accrocher convenablement, avec modération, à leur religion. Et eux, ensuite, ils sont montrés du doigt et on taxe notre religion d'une religion extrémiste. À cause de qui? Où sont les imams, les du'at, qui réfutent ces ambiguïtés-là? Qui réfute ces innovations-là, qui parle de ces sujets-là, qu'on essaye de prendre les jeunes, au lieu de fermer les mosquées aux jeunes, qu'on essaye de prendre les jeunes, leur inculquer la sunna, leur inculquer l'ilm, la bienfaisance, la modération dans la religion. Aïna haoula. C'est pour cela que, regardez, ils ont menti sur Uthman ibn Affan. Jusqu'à ce que les gens pensaient que ça venait de Uthman ibn Affan. Plus ils ont falsifié des écrits en disant que c'était des compagnons. Hajib, vous avez vu l'affaire comme elle est étonnante? Comment ils ont menti à l'époque? Vous pensez qu'aujourd'hui ils vont pas mentir les gens à notre époque? Les moyens pour propager des mensonges sont plus faciles. Regardez juste, je donne un exemple. À l'époque, lorsqu'il y a eu le trouble au Maghreb, et en l'occurrence plus précisément en Algérie, les gens qui se sont insurgés contre l'autorité en Algérie, eux pensaient, on leur avait fait croire, les gens de la dissension et du trouble leur avaient fait croire que les savants prêchaient à cela et appelaient à cela. C'est-à-dire que les gens qui étaient les gens des troubles et de la dissension, du trouble et de la dissension qui étaient dans les maquis, ils pensaient que les savants du monde musulman appelaient à cela. Ils pensaient que les savants appelaient à cela. Ils ont été bernés. Ils ont été dupés. Or, les savants, justement, appelaient à ne pas faire cela et s'insurger, se rebeller contre l'autorité. Ils appelaient à la réconciliation et ne pas se diviser, et qu'il est interdit, religieusement, strictement interdit, de se rebeller, de s'insurger contre le dirigeant, même si on le considère comme injuste. Hada aqidatuna, ça c'est notre aqida. Lorsque beaucoup, ensuite, ont pris connaissance des fatwa des savants, en l'occurrence des fatwa de Cheikh Ibn Uthaymeen, Al-Albani, et je me rappelle, on a même entendu, à l'époque, il y avait même un audio que les gens appelaient directement Cheikh Maqbel ibn Hadi. Et Cheikh Maqbel leur disait, mais qu'est-ce que vous faites dans ça? Qu'est-ce que vous faites là-bas? Allez, remontez chez vous. Hadihi fitna. Il leur disait, ce n'est pas un djihad. Hadihi fitna. C'est une dissension, c'est un trouble. C'est pas... Et là, beaucoup de gens sont remontés. Lorsqu'ils ont su qu'en réalité, la position des savants était contraire à ce qu'on leur a fait croire. Vous avez vu? Pourquoi je vous donne cet exemple? Un exemple de falsification. Les gens leur ont falsifié, altéré les paroles des savants. Wadih al-Kalam, vous comprenez, comme à l'époque ils l'ont fait. Les gens sont revenus ensuite, pour continuer, à Médine. Vous savez ce qu'ils ont fait? Pour résumer, hein. Il y a des passages, mais on va essayer de résumer pour avancer. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont encerclé Uthman. À la fin, ils en sont aboutis à encercler la maison de Uthman. Uthman, il était encerclé. Subhanallah. Encerclé. Il n'avait plus le droit de sortir. Uthman avait plus de 80 années. Parmi les premiers à avoir embrassé l'islam, parmi les premiers compagnons du prophète, l'homme aux deux émigrations, aux deux filles, époux de deux filles du prophète, ils l'ont empêché de sortir de chez lui, ils l'ont encerclé, même à la prière, ils ne le laissaient pas sortir. Ils ne le laissaient pas sortir, même pour aller boire de l'eau, pour aller s'abreuver. Et Haoul al-Khubatha, il ne savait pas qu'en réalité, la cause à Médine que les musulmans avaient de l'eau, c'était Uthman, radiallahu, après Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Uthman qui avait racheté le puits. Et Haoul al-Sufaha ne savait pas. Puisque beaucoup de gens venaient de contrées, ils n'ont jamais connu les compagnons du prophète, alayhi salat wa salam, n'ont pas vécu avec le messager d'Allah. Ils ne savaient même pas que dans la mosquée de Médine dans laquelle ils priaient, ils ne savaient même pas que Uthman avait participé à cela. Alors ils empêchèrent Uthman d'aller s'abreuver. Ils empêchèrent Uthman d'aller prier dans la mosquée du prophète, alayhi salat. Mais vous en rendez compte à quel point l'innovation elle a mené ces gens. Écoutez bien, ça va aller où? Là, les compagnons, pendant un moment en colère de voir cela, pendant un moment, ils ont réuni un nombre d'hommes entre des compagnons et les enfants des compagnons. Ils étaient en colère. Et ils voulaient aller au conflit. Ils voulaient défendre Uthman et voulaient combattre. Et là, à chaque fois, plusieurs fois, les compagnons, parmi eux, il y avait Abu Hurayra, parmi eux, et de grands compagnons, Et ils allèrent à Uthman lui demander la permission. Et beaucoup d'entre eux faisaient la garde autour de la maison de Uthman. Et ils demandèrent la permission. À chaque fois, Uthman disait non. Uthman ne voulait pas le fitna, ne voulait pas de trouble. Uthman ne voulait pas être la cause d'un conflit dans Médine, d'une guerre dans Médine. Donc Uthman à chaque fois repoussait les compagnons et leurs enfants. Mais pendant un moment, un grand nombre de compagnons se sont réunis et là, ils voulaient défendre l'honneur du calife et de Uthman. Mais Uthman refusait. Même jusqu'à un moment, Uthman leur a demandé de ne plus faire la garde devant chez lui. Donc les compagnons étaient là, avec leurs enfants, pour défendre Uthman. Vous savez, à un moment donné, la bêtise, elle est arrivée même où? Chez ses soufaha, ses khubatha. Comme ils ont empêché Uthman de sortir pour la prière. Et c'est qui dirige la prière? C'est l'émir. C'est le calife qui dirige la prière. Ils ont empêché Uthman et ils ont émis un homme parmi eux qui dirige la prière. Et les compagnons du prophète, sallam. Ils n'ont même pas avancé un compagnon du prophète, sallam. A'lam an-nas. Les plus savants à l'époque. Déjà d'empêcher Uthman de sortir de chez lui, c'était un crime pour aller diriger la prière. Mais là, en plus, au mieux de devancer un compagnon, parmi les compagnons du prophète qui étaient présents, vous savez, à l'époque, il y avait Abu Huraira, il y avait Az-Zubayr, il y avait Abdallah ibn Omar, il y avait de grands compagnons parmi les savants, pas les compagnons. Ils ont avancé un homme parmi eux. Et lui dirigeait la prière. De là, les compagnons s'en allèrent voir Uthman. Et est-ce qu'il priait derrière eux avec ces hommes-là, avec ces gens ou pas? Et Uthman leur recommandèrent de prier. As-salat, as-salat. De prier. Et les compagnons priaient. C'est les compagnons qui priaient derrière eux. Et qui priaient derrière cet homme. Ajib. Ajib al-qawm. Ajib. Si ils se sont passés de l'obéissance des compagnons du prophète, de la reconnaissance et de la considération des compagnons du prophète, alors qu'ils étaient là, ulama, ils ont devancé un homme parmi eux. Un safi. Parmi eux, pensez-vous qu'à l'heure actuelle, les gens vont respecter l'ulama? Les gens, vous pensez qu'ils vont souffrir à respecter l'ulama? Vous avez les leçons à tirer? Taïb. Lorsqu'ils ont encerclé Uthman et l'empêché, comme on a dit précédemment, et l'empêcher de sortir, et même pour s'abreuver, pour prier. Certains historiens disent qu'ils l'ont empêché plus d'un mois. Plus d'un mois, ils ont encerclé Uthman dans sa maison. Et comme on avait dit tout à l'heure, ce qui avait provoqué la colère de beaucoup d'entre eux, c'était ce faux message falsifié, disant que Uthman ibn Affan avait appelé le gouverneur de leur contrée à les punir. Et donc c'était falsifié. Uthman ibn Affan lui-même a dit, je ne suis pas au courant de cette missive, de ce livre-là, et dit, ni je l'ai écrit, ni j'ai dicté, et il a juré par Allah qu'il était innocent de cela, et que cela était falsifié. Mais ça ne suffisait pas au peuple. Ils avaient des intentions, ils étaient mal intentionnés, donc ils n'étaient pas prêts à écouter quelque chose. Et c'est pour cela qu'on a dit qu'ensuite un bon nombre de compagnons, Jama'at min al-Sahaba, ils allaient chez Uthman. En l'occurrence, on a dit Abu Huraira, Ibn Omar, Zayd ibn Thabit. Et des compagnons allaient chez Uthman en lui disant pour le défendre. Mais comme on a dit précédemment, Uthman refusait. Et parmi ses compagnons aussi qui allaient voir Uthman pour le défendre, il y avait le célèbre compagnon Al-Mughira ibn Shu'ba. Ibn Shu'ba qui parlait à Uthman. Il y avait Abdallah ibn Zubayr qui exhorta Uthman, qui disait qu'il faut aller au combat contre eux. Mais Uthman ne voulait pas. Uthman ne voulait pas qu'il y ait un conflit et une fitna. Jusqu'à même, regardez, l'une des épouses, Safiya, célèbre, Safiya, vous avez vu un jour le prophète, alors qu'il était avec son épouse, il passa la nuit, il a rencontré des compagnons, lorsqu'il leur a dit, c'est Safiya, Safiya, son épouse. Safiya, il est dit qu'elle elle vint pour parler à Uthman. Pour parler à Uthman, elle était sur sa monture. Elle était sur sa monture, wa maulaha, qui, et elle avait son maula qui tirait la monture. As-Sufaha Oula, ils sont venus, lorsqu'ils ont vu Safiya, ils sont venus et ils ont tapé le visage de la monture. Ils ont commencé à taper le visage de la monture et insulter la monture. De là, même Safiya s'est mise en colère. Même l'épouse, la mère des croyants, qui voulait se rendre pour aller parler à Uthman, ils l'ont empêché. Ils l'ont empêché en tapant sur le visage de la monture de Safiya, radiallahu ta'ala anha. Et de ce fait, lui, Uthman ibn Affan, ne voulait pas qu'il y ait de résistance. Et demandait aux compagnons de rejoindre leur demeure et leur maison. Il ne voulait pas. Lorsqu'il a su que les intentions de ces gens, c'était de le tuer, lui disait, mais pourquoi me tuer? Pourquoi me tuer? Et là, il le dit, en l'occurrence, ce qu'on a dit tout à l'heure, je n'ai jamais commis la fornication, que ce soit avant l'islam ou bien après l'arrivée de l'islam. Il dit, je n'ai jamais tué de personne comme ça. Et il mentionna des choses qui fait, pourquoi me tuer? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais leur intention était de rentrer chez Uthman radiallahu ta'ala anhu. Thumma qila, c'est pour cela qu'un jour Uthman dit, s'ils me tuent, jamais plus après ils s'aimeront. Et jamais plus après, ils prieront ensemble. Après ma mort, il fit allusion à une grande fitna si les gens le tuaient. Faqala radiyallahu ta'ala an, wallahi la in qataltumuni la tatahabbuna ba'di abadan. Par Allah, si ils me tuent, jamais ils s'aimeront. Ils s'aimeront les uns les autres. ولا تصلون جميعا ابدا قال الحافظ وقد صدق فيما قال رضي الله تعالى عنه قال الحافظ ابن كثير الحافظ ابن كثير ابن كثير dit et Uthman a eu raison, il était véridique lorsqu'il a eu ça par rapport à ce qui se produira plus tard. Ensuite قال عثمان للذين عنده في الدار من ابناء المهاجرين والانصار وكانوا قريبا من 700 قدموا للدفاع عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه امير المؤمنين. Et les compagnons, lorsqu'ils se sont réunis pour défendre Uthman ibn Affan, il est rapporté qu'ils étaient plus de 700 compagnons avec leurs enfants. Ils voulaient défendre Uthman رضي الله تعالى عنه. Et de là, Uthman, comme on a dit précédemment, les repoussait. Et la cause de cela, Al-Hafid ibn Kathir, écoutez bien, la cause pourquoi Uthman, à un moment donné, lorsque les compagnons se sont réunis, plus de 700, pour le défendre, il les a repoussés, il leur a enjoint de rejoindre leur demeure. Pourquoi? Parce qu'il est rapporté. Al-Hafid ibn Kathir dit, « وَكَانَ سَبَبُ ذَلِكَ أَنَّهُ رَأَ فِي الْمَنَامِ رَأْيَا دَلَّتْ عَلَى اِقْتِرَابِ أَجَلِهِ » La cause, c'est que Uthman, il avait vu en rêve, il a rêvé, et il a vu son heure et son délai se rapprocher. Il a vu son délai se rapprocher. Et lui, Uthman ibn Affan, il va déduire justement de son rêve. Qu'est-ce qu'il a vu en rêve? Écoutez bien. Il voit en rêve, « Fastaslama Uthman li amrillahi jalla wa ala raja'a ma'uda wa shuqan ila rasulillahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam » Taqul Naïla. Lui, donc, il avait cette envie de rejoindre le prophète, alayhi salatu wassalam, la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et son épouse, à l'époque, Naïla, à l'époque, elle dit, alors que Uthman s'est réveillé, après un sommeil, qala innal qawm yaqtuluni, certes le peuple va me tuer. Après qu'il ait vu en songe ce que je vais vous dire là, certes le peuple va me tuer. Donc c'est son épouse Naïla qui rapporte. Elle dit, il s'est réveillé, il dit, certes le peuple va me tuer. Qultu kalla ya amirul mu'minin, elle dit, mais non au prince des croyants. Son épouse Naïla lui dit, mais non au prince des croyants. Il lui dit, inni ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam wa aba bakr wa umar faqalu sum ya uthman fa innaka tuftir indana. Subhanallah. Lorsque son épouse Naïla lui dit, mais non au prince des croyants, il dit, j'ai certes vu dans mon rêve, j'ai vu le messager d'Allah. Le messager d'Allah était avec Abu Bakr, il était avec Omar. Et ils ont dit dans le rêve à Uthman, jeûne aujourd'hui, tu romperas ton jeûne avec nous. Ils lui ont annoncé la rupture de son jeûne. Alors Uthman ibn Affan, vous savez, les savants, lorsqu'ils racontent cette histoire, ils pleurent. Lorsque vous écoutez le ulama, lorsqu'il raconte cette histoire, ils pleurent, ils sont en pleurs. Uthman ibn Affan, ensuite, il s'est mis à jeûner. Il s'est mis à jeûner. Et pour lui, c'était l'annonce de son délai. Regardez, il voit le prophète en salam avec Abu Bakr et Omar dans son rêve, qui lui dit, jeûne. Sois en état de jeûne et tu vas rompre ton jeûne avec nous. Et donc lui, il a interprété ce songe comme étant l'arrivée de son délai. L'arrivée de son délai. Tayyib. وصلنا إلى قول عثمان رضي الله تعالى عنه لما رأى في المنام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبا بكر وعمر فقالوا له صم يا عثمان صم يا عثمان فإنك تفطر عندنا فأصبح رضي الله تعالى عنه صائما وكان الماء لا يصل إليه إلا في الليل خفية من دار إلى دار ثم دعا بسراويل فشدها وإنما لبسها رضي الله تعالى عنه في هذا اليوم لأن لا تبدو عورته إذا قتل. Donc on continue, Inch'Allah, et tout à l'heure on s'est arrêté. Donc lorsqu'on a dit que Uthman avait vu en songe, en rêve, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec ses deux compagnons, Abu Bakr ou Omar, qui lui disait de jeûner, car il allait rompre son jeûne avec eux. Alors Uthman s'est réveillé, et donc il était en état de jeûne. Il s'est mis à jeûner. وَكَانَ الْمَا Alors que l'eau, elle lui parvenait la nuit en secret, puisque Al-Khubatha, les criminels, Al-Mujrimoun, avaient interdit à Uthman de s'abreuver, de sortir chercher de l'eau. Donc l'eau lui parvenait la nuit de maison en maison. De maison en maison, ils arrivaient à faire parvenir de l'eau à Uthman, radiallahu ta'ala, anhu. Ensuite, il demanda, de lui ramener Sarawil de l'époque, et il a bien porté ses Sarawil et les a bien attachés. Je ne vais pas vous traduire Sarawil, hein, pluriel de Sarawil. Et il a bien attaché ce vêtement, l'a bien attaché, durement. Pourquoi? Car il ne voulait pas, s'il se fait tuer, que sa aura, ses parties intimes, soient découvertes. Regardez tellement, et comme on dira tout à l'heure, tellement Uthman ibn Affan, parmi ses bons caractères et ses bonnes moralités, c'était quelqu'un de très pudique. Et il était timide. C'était quelqu'un de timide aussi. Le prophète en salam savait cela. Et donc par pudeur, il ne voulait pas être tué et que ça, ses parties intimes, apparaissent et soient découvertes. Et à ce moment-là, ensuite, il ne restait plus personne, si ce n'est dans la maison, si ce n'est sa famille. وَعِنْدَ ذَلِكَ Puisqu'on, comme je vous avais dit tout à l'heure, alors que les compagnons étaient venus et voulaient faire la garde et défendre Uthman ibn Affan, Uthman ne voulait pas. Il ne voulait pas le fitna, il ne voulait pas de troubles, et il ne voulait pas qu'à cause de lui, il y ait un conflit et une guerre qui éclate et une effusion de sang à cause de lui. À cause de lui, donc il préférait que les compagnons ne s'en mêlent pas. Et donc, à un moment donné, il leur ordonna de rentrer chez eux. Et comme on a dit précédemment, par rapport au songe qu'il avait fait, et à un moment donné, il se retrouva seul dans sa maison avec sa famille. Avec sa famille. De là, لم يبقى عنده أحد سوى أهله. وعند ذلك أظهر المفتونون ما يريدونه من الشر بأمير المؤمنين. Et à partir de là, sont apparus المفتونون. Les mauvais sont apparus. فتصوروا عليه الجدار وأحرقوا الباب. Ils ont commencé à grimper les murs et ils ont brûlé la porte de sa maison pour pénétrer chez lui. Pour pénétrer dans sa maison. ودخلوا عليه وليس فيهم بحمد الله أحد من الصحابة ولا أبناؤهم. Et par la louange et la grâce d'Allah, lorsqu'ils sont rentrés chez lui, هؤلاء المجرمون, ces criminels, il n'y avait personne parmi eux, parmi les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est parce que c'était une grande fitna. Beaucoup de gens ont été influencés. Vous savez, ces gens-là, beaucoup de gens qui ont participé à ça, c'était des gens à la base, comme on a dit tout à l'heure, les comploteurs ont exploité la faiblesse d'esprit de beaucoup de gens et l'ignorance de beaucoup de gens. Donc, vous savez, une fitna, lorsqu'elle apparaît, une fitna, et surtout al-shubuhat, c'est quelque chose qui ressemble à la vérité. Si vous voulez, al-shubha, c'est quoi? L'ambiguïté, c'est quelque chose à la base qui est faux, mais il y a une sorte de part de vérité. Ça ressemble à la vérité. C'est pour cela, beaucoup de gens ensuite sombrent dans les fitnes et sont embarqués dans les troubles. Et donc, c'est pour ça que la masse sont souvent pris dans les troubles. C'est pour cela que les fitnes, les troubles sont comparés à des vagues. Vous avez vu, lorsqu'une vague, elle vient, elle emporte. Elle emporte. Et très peu de gens sont épargnés. Ensuite, la vague repart, s'en va, et une autre vague arrive. Et c'est pour ça que le fitna avait été décrite de cette sorte. Une fitna apparaît, la vague vient, on pense que cette vague, elle va nous emporter. Comme l'homme disait, comme il est mentionné dans un hadith, l'homme dira, lorsqu'il verra la fitna arriver comme une vague, il dira, celle-ci me fera périr. Et s'il est épargné, ensuite cette vague partira, une autre viendra, il dira, celle-ci me fera périr. Al-fitna, pour se préserver, il faut vraiment invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc beaucoup ont été embarqués dans cette fitna. Et aucun parmi les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, sera dans cette fitna. Tous les compagnons à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wasallam, et les enfants, leurs enfants, voudront défendre Uthman ibn Affan, radiyallahu ta'ala an. Il y a juste un enfant d'un compagnon. Il y a juste un enfant d'un compagnon qui a pénétré dans la maison. Et lorsqu'il a vu Uthman, et là Uthman s'est adressé à lui, il a pris la barbe de Uthman. Uthman lui a dit, ton père, honorez cette barbe. Et là, l'enfant, il a eu honte. Il a eu honte, il a fait demi-tour, il a combattu les autres. Il a voulu défendre Uthman. Il a eu honte, il a pris une sorte de pudeur, une honte envers Uthman. Et là, il s'est retourné, il a essayé de combattre justement ses renégats et ses criminels. Mais il n'a pas pu. Ils étaient nombreux. Il n'a pas pu. Sinon, tous les compagnons du prophète étaient là pour défendre Uthman, mais qui a refusé. Il ne voulait pas. فَلَمَّ دَخَلُوا, lorsqu'ils sont rentrés, ensuite, chez Uthman, فَدَخَلُوا فِي الدَّارِ فَقِيلَ كَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ جَاوَزَ عُمْرَهُ الثَّمَانِينَ. Comme on a dit que c'était Uthman ibn Affan était âgé, il avait dépassé les 80 années, et de ce fait, فَلَمْ يَرْحَمُ شَبِيبَتَهُ وَضَعْفَهُ وَلَمْ يُعَظِّمُ حُرْمَةَ صَحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Ni n'ont respecté son âge avancé, sa vieillesse, ni n'ont respecté le fait que c'était un compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ils n'ont eu aucune pudeur. Et vous connaissez le hadith du prophète, celui qui n'a pas de pudeur, fasna'ma shit. il fait tout ce qui lui passe par la tête, fait ce qu'il te passe par la tête, ou ce que tu veux. Ils n'ont eu aucune pudeur envers cet homme qui était âgé, et qui était le compagnon, l'un des plus aimés du prophète, sallam, le troisième homme parmi les compagnons qui était le meilleur, l'homme aux deux lumières, gendre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qui avait été nommé comme calife à l'unanimité des gens de Médine. Ils n'ont eu aucune pudeur. فَأَيُّ إِصْلَحْ وَإِنْكَرْ لِلْمُنْكَرْ يُرْجَى مِنْ وَرَائِهِمْ. Alors, quelle est la réforme? Quelle est cette réforme qu'il prétendait? Quelle est cette recommandation du bien et le fait de réprimander le mal qu'il prétendait? Où est le bien dans cela? C'est juste des prétentions. ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ آخَرٌ. Ensuite, un homme est rentré avec une épée. فَضَرَبَهُ. Et Uthman, lorsqu'il rentrait, Uthman était en train de réciter le Coran. Il récitait le Coran. Et lorsqu'il les voyait rentrer face à lui, il leur disait بَيْنَنِي وَبَيْنَكُمُ الْكِتَابِ. Entre vous et moi, le livre d'Allah. Et Uthman ibn Affan était en train de lire le livre d'Allah. Et فَدَخَلَ رَجُلٌ فَدَرَبَهُ. Et Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, lorsque cet homme a voulu le frapper, donc c'est long, hein, comme il y a des épisodes, on le fait très brièvement pour qu'on puisse terminer. Très bien. Parmi les choses qui se sont passées, c'est qu'un homme est rentré, a voulu le frapper avec son épée. Et Uthman s'est protégé de sa main. Et de là, فَاتَّقَاهُ عُثْمَانَ بِيَدِي فَقَطَعَهَا. Et lorsqu'il s'est protégé de sa main, alors cet homme-là lui a coupé sa main. فَقَالَ عُثْمَانَ وَاللَّهِ إِنَّهَا لَأَوَّلُ يَدْ كَتَبَتْ سُوَرُ الْمُفَصَّلِ. Et Uthman lui dit, par Allah, c'est la première main qu'avait écrite, c'est la première main qui a écrit les sourates de la partie, vous connaissez, Al-Mufassal. Uthman les avait écrites, c'était le premier qui avait écrit ces sourates de sa main, Al-Mufassal. Les sourates qu'Allah, Jalla wa'ala, avait révélées, il les a entendues directement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et les avait écrites. Lorsque cet homme a coupé la main de Uthman, il lui a dit, cette main-là, par Allah, c'est la première main qui écrivit ces sourates, qui a révélé Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ibn Kathir. Faqala ibn Kathir, ibn Kathir, il dit, wa thabata min ghayri wajh anna awwal qatra min damih سقطت على قول الله جل وعلا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. Ibn Kathir dit, il a été confirmé par plusieurs voix que la première goutte de sang, les premières gouttes de sang qui sont tombées dans le mushaf, puisque Uthman était en train de réciter le Coran, les premières gouttes de sang sont tombées sur le verset où Allah dit فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. Et Allah te suffit contre eux. Et Allah, Was-Sami' Al-Alim, Allah est celui qui est Samir, qui entend tout, et il a la connaissance de tout. Rien ne lui échappe. Et donc ces premières gouttes de sang qui sont tombées dans ce verset, comme dit Ibn Kathir, فَسَيَكْفِيكَهُمْ اللَّهِ. Allah te suffit contre eux. Subhanahu wa ta'ala. وَكَانَ يُرْوَى أَنَّهُ قَدْ وَصَلَ إِلَيْهَا فِي تِلَاوَةِ أَيْضًا حِنَ دَخَلُوا عَلَيْهِ. Il est même rapporté que Uthman ibn Affan, lorsqu'ils sont rentrés chez lui, ces renégats, il est arrivé à la lecture de cette sourate. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهِ. Et entre autres, parmi les choses qui sont rapportées justement, c'est que lorsqu'ils sont rentrés, ces renégats, pour porter atteinte à la vie de Uthman, son épouse Naïla est sortie pour protéger Uthman. Et alors dit, par Allah, vous allez faire du mal à quelqu'un qui a lu tout le livre d'Allah dans une prière. Cette nuit-là, toute la nuit, il priait. Il a prié et il lisait le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et même à un moment, regardez ces gens, comment ils n'avaient aucune pudeur. À un moment, Naïla, l'épouse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elle a voulu protéger Uthman. Elle a sauté sur Uthman et donné son corps pour le protéger et lui ont coupé les doigts. Et nous, on coupait les doigts, radiallahu ta'ala anha. Chez Ajib. Et de ce fait, qu'il a. وكان يروى أنه قد وصل إليها في التلاوة أيضا حين دخلوا علي، ثم أقبل عليه رومان ابن سودة فقال: على أي ملة أنت يا نعثال؟ فقال عثمان: لست بنعثال، ولكني عثمان بن عفان صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنا على ملة إبراهيم حنيفا مسلما، وما أنا من المشركين. فقال الفاجر: كذبت، وضربه على رأسه. Lorsque un homme à un moment s'est mis face à Uthman, un homme qui s'appelait Roman ibn Sauda, فقال له: sur quelle voie es-tu يا نعثال؟ Il s'adresse à Uthman ibn Affan et l'insulte en lui disant: يا نعثال. نعثال, c'est une sorte de vieillard fou. Sur quelle religion es-tu? Regardez. Parce que lorsqu'ils ont voulu tuer Uthman, ils l'ont traité de mécréant. A'oudhou billah. Vous allez ensuite vous vous étonner que des gens dans des époques prochaines vont traiter de mécréants autres, s'ils ont fait ça avec Uthman. Enfin, ils ont insulté ensuite. Un homme s'est présenté à lui et l'a insulté de Narthel. Vieillard, de sorte de vieillard fou. Sur quelle voie es-tu? Sur quelle religion es-tu? En le traitant de mécréant. Faqala Uthman, lestu bi Narthel. Je ne suis pas un vieillard fou, je suis juste le Uthman ibn Affan, le compagnon du messager d'Allah. Wana ala millat Ibrahim, et je suis sur la religion et la voie d'Ibrahim. Regardez jusqu'à la fin, regardez les compagnons, jusqu'à la fin. Leur adhérence, ou plutôt le fait qu'ils revendiquent leur adhération, leur affiliation, le fait qu'on adhère à quelque chose, leur adhésion à Arsentum. Regardez, leur adhésion au monothéisme pur. Regardez, jusqu'à la fin, ils revendiquent leur adhésion au monothéisme pur. À la religion d'Ibrahim, alayhi salam, au tawhid, hakada. Regardez, jusqu'à la fin, alors qu'il va mourir, alors qu'ils attendent à sa vie, regardez qu'est-ce qu'il dit. Je suis Uthman ibn Affan, le compagnon du messager d'Allah, sur la religion d'Ibrahim. Regardez, hanifan ala millati Ibrahim. Je suis sur la religion d'Ibrahim. Je suis Hanif et je ne compte pas parmi les polythéistes. Voilà la réponse de Uthman ibn Affan. Hada raddun qawi ala hada al-khabith, hada al-mujrim. Ça, c'est une réfutation forte de Uthman radiallahu ta'ala an. Faqala al-fajr. Vous savez, ce libertin, ce débauché, qu'est-ce qu'il répondit à Uthman? Kadhabt, tu as menti, menteur. A'udhu billah. Tu as menti. Et ensuite il frappa Uthman sur sa tête. فوثب عليه عمر ابن حمر فجلس على صدره وبه رمق فطعنه تسع طعنات. Ensuite un autre est venu et s'est mis sur Uthman et ensuite lui a porté des coups de grâce. Certains disent 9 coups de grâce. Il lui dit: 3 sont pour Allah et 6 sont pour moi, ce que j'avais dans ma poitrine contre toi. A'udhu billah. Et de ce fait, c'est là qu'est venue son épouse, comme je vous ai dit tout à l'heure, Naïla, qui essaie de défendre Uthman. Et de là, lorsqu'elle a essayé de le défendre, ils lui ont coupé ses droits. Fa'inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Thumma tanada ha'oula dhalama. Ensuite, lorsqu'ils ont tué Uthman radiallahu ta'ala an, et là, regardez, vous allez voir là, les intentions des mujrimin, des criminels, c'est là qu'ils ont commencé à appeler à aller vers la trésorerie, où qu'il y avait les trésors des musulmans, c'est-à-dire cet argent-là, c'était les sadaqat, les aumônes, qui étaient à distribuer aux pauvres. Et là, ils s'en allèrent vers la trésorerie ici, pour s'accaparer des biens. فهربوا وهم يقولون il y avait des حراس فسمع ذلك الحراس بيت المال. Et les gens qui gardaient, il y avait des gardiens qui gardaient justement la trésorerie. Lorsque les gardiens les ont vus arriver, ils ont entendu les voix, فهربوا, ils étaient obligés de fuir. وهم يقولون النجا, ils étaient obligés de fuir. فإن هؤلاء لم يصدقوا فيما قالوا لم يصدقوا فيما قالوا من أن قصدهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Et là on voit bien la preuve qu'en vérité ils n'étaient pas véridiques lorsqu'ils avaient prétendu qu'ils voulaient le bien, l'amélioration et la réforme. En réalité, regardez, c'était cette dunya. C'était cette dunya qu'il voulait. فهذا شأن الخوارج. Ça, c'est l'affaire de الخوارج. وإنما قصدهم الدنيا. فقال الحافظ ابن كثير فجاء الخوارج فأخذوا مال بيت فأخذوا مال بيت المال وكان فيه شيء كثير فإنا لله وإنا إليه راجعون. Ibn Kathir, justement Ibn Kathir, lorsqu'il relate cela, l'érudit, il dit, alors ils ont al-khawarij, ces khawarij, lorsqu'ils sont venus, alors ils ont pris, ils se sont accaparés de beaucoup d'argent qu'il y avait dans la trésorerie. Ils ont pris beaucoup d'argent qu'il y avait dans la trésorerie, wa kana fi shay kathir, et il dit, certes nous appartenons à Allah, c'est à lui que nous retournerons. Et vous avez vu cette fitna, vous avez vu cette fitna. يقول الحافظ ابن كثير لما وقع هذا الامر العظيم الفظيع الشنيع اسقط في ايدي الناس فاعظمه جدا وندم اكثر هؤلاء الجهل الخوارج على ما صنعوا. Vous savez, plus tard, lorsque ça y est, il y a eu cette fitna, et cette fitna s'est produite, la majorité plus tard de ces gens-là, la majorité, ils vont regretter. La majorité, هؤلاء المجرمون, ils vont regretter. Ils vont regretter. Et lorsque le khabar va arriver aux compagnons, lorsque les compagnons vont entendre cela, justement, les compagnons vont invoquer Allah. Vont invoquer Allah. Et justement, par exemple, le khabar va venir, فَلَمَّ بَلَغَ الزُّبَيْرِ مَقْتَلْ عُثْمَانِ. Lorsque Zubayr, par exemple, le célèbre compagnon Ibn al-Awam, a entendu cela, la tuerie de Uthman, alors il a dit « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». Ça nous appartenant à Allah, c'est à lui que nous retournerons. « Wa lamma balagha Sa'd ibn Abi Waqqas ». Et aussi, lorsque Sa'd ibn Abi Waqqas a entendu l'information de ce qui s'est produit, et vous connaissez Sa'd ibn Abi Waqqas, c'était un homme parmi les compagnons du prophète, et il faisait partie aussi des six de la consultation, de l'assise de la consultation, et Shura. Sa'd ibn Abi Waqqas était connu parmi les particularités qu'il avait. Il était celui dont ses invocations étaient exaucées. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait invoqué pour lui. Il était connu, c'est célèbre que Sa'd ibn Abi Waqqas invoquait et ses invocations étaient exaucées. Dès qu'il a entendu cette information de la tuerie de Uthman ibn Affan, il invoqua Allah. فلما بلغ سعد بن أبي وقاص قتل عثمان استغفر له وترحم عليه وتلا في حق الذين قتلوه. Ensuite, Sa'd ibn Abi Waqqas, lorsqu'il a entendu cela, il a commencé à demander le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a commencé à implorer la miséricorde d'Allah sur Uthman ibn Affan. Et il a cité un verset. Il a commencé à réciter un verset à l'égard de ces gens-là, de ces criminels. Lorsqu'Allah dit « قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا » بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يَحْسِنُونَ صُنْعًا. Lorsque dans Allah, Jalla wa'ala, parle d'une catégorie de gens qui pensent bien faire dans cette vie d'ici-bas. Ils pensent bien faire, mais en réalité, ils se sont égarés. Donc là, c'est une explication du verset. وقال قال سعد رضي الله تعالى عنه اللهم أدمهم ثم خذهم. Et là, سعد a invoqué Allah. Il a dit, ya, ô Seigneur, fais-les tous regretter, ensuite prends-les. Ô Seigneur, il répéta, ô Seigneur, اللهم أدمهم ثم خذهم اللهم أدمهم ثم خذهم. Vous savez, Sa'd ibn Abi Waqqas, si vous lisez dans sa vie, il a déjà invoqué pour des gens. Un jour, il avait invoqué contre un homme qui avait menti sur lui, et qui avait été injuste, et qui avait diffamé, qui avait calomnié Sa'd ibn Abi Waqqas. Jusqu'à ce que cet homme, ensuite, il avait été touché par la dua, l'invocation de Sa'd. Et jusqu'à ce que l'homme, et comme avait dit Sa'd, qu'il ne meure pas jusqu'à ce qu'il devienne meftoun. Et cet homme, il est rapporté, c'est devenu un vieillard, meftoun, il courait après les petites filles. Et un jour, les gens l'ont vu, lui ont dit, qu'est-ce qui t'arrive au vieillard? T'es meftoun comme cela. Ils ont vu son état, c'était une moussiba. C'est une fdeha. Et là, il dit, Ansabatni da'watu Sa'd. J'ai été touché par l'imploration et l'invocation de Sa'd ibn Abi Waqqas. C'était célèbre, Sa'd ibn Abi Waqqas, ses doigts étaient exaucés. Eh bien, قال الحافظ ibn Kathir. Et c'est pour cela que certains salafs, ou plutôt, وَقَدْ أَقْسَمَ بَعْدَ السَّلَفِ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَ. Après cette invocation, regardez, certains salafs, ils juraient par Allah. Les salafs plus tard, ils juraient par Allah. وَقَدْ أَقْسَمَ بَعْدَ السَّلَفِ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَ. أَنَّهُ مَا مَاتَ أَحَدْ مِنْ قَتْلَةِ عُثْمَانِ إِلَّا مَقْتُولًا رَوَاهُ ibn Jarir. Et les salafs ont juré par Allah, il n'y a pas l'un de ces criminels, de ces renégats qui a participé à l'assassinat de Uthman sans qu'il mourra assassiné. Certains ont rapporté, c'est Ibn Jarir al-Tabari, rapporte cela depuis prédécesseur. Wa qala al-Hafidh Ibn Kathir. Et lui, al-Hafidh Ibn Kathir, l'érudit, il disait, wa hada yanbaghi an yakuna li wujuh minha da'wat Sa'd al-Mustajaba kama thabata fi al-hadith as-sahih. Wa qala ba'dhum. Regardez. Et donc, certains ont rapporté que ce qu'on vient de dire parmi les salafs, ce qu'on vient de dire précédemment, et le Hafidh ibn Kathir, il dit, et cela était dû à l'invocation de Sa'd ibn Abi Waqqas. Pourquoi? Parce que beaucoup ont tous connu une mauvaise finalité et ont tous regretté. Ils ne sont pas morts tant qu'ils ont regretté ce qu'ils ont fait. Jusqu'à ce qu'il ait rapporté que Sa'd ibn Musayyib, parmi les grands tabi'in, il dit qu'un jour, alors qu'il était à proximité de la Kaaba, il vit un homme qui faisait de tawaf autour de la Kaaba et il entendit implorer Allah en disant « Oh Seigneur, pardonne-moi et je sais que tu n'es pas sur le point de me pardonner. » Sa'd ibn Musayyib dit qu'il entendit un homme invoquer de cette manière. Hatta Sa'd ibn Musayyib fut étonné. Il dit « Pourquoi cet homme invoque de cette manière ? Il n'avait jamais entendu un homme invoquer de cette manière. » Ensuite, il alla vers cet homme et lui demanda pourquoi est-ce qu'il implore de cette manière. Et ensuite, il y a l'histoire qui est racontée à ce sujet, pour qu'on puisse avancer. Mais Star là-bas, c'est étonné, Sa'd ibn Musayyib, de cette manière d'invoquer. Enfin, وقد ثبت في الصحيح هذا أن دعوة سعد ابن أبي وقاص مستجابة. وقال بعضهم ما مات أحد منهم حتى جنة. Et certains ont dit, parmi des gens qui ont vécu à l'époque, ils ont dit, il n'y a aucun d'entre eux qui est mort sans qu'avant de mourir, il est devenu fou. Il était touché par la folie. حتى جنة أو جنة. رحيم فقال وقال رحمه الله لا يصح على أحد من الصحابة أنه رضي الله أو بلتو فقال رحمه الله أو لا يصح على أحد من الصحابة أنه رضي بقتل عثمان بل كلهم كره وسب من فعله. Et الحافظ ابن كثير disait, il était confirmé de sources sûres et authentiques qu'il n'y a aucun compagnon du prophète alayhi salatu wassalam qui ont agréé cela et accepté cela. Tous étaient en colère et ont détesté, ont répugné ce qui s'est produit et ont insulté les auteurs de cette action-là. Tous les compagnons ont insulté ceux qui ont fait cela. وروى الإمام البخاري في التاريخ أو في تاريخه عن محمد بن سيرين عن محمد ابن سيرين قال. Et afin tout à l'heure, lorsque je vous ai dit Sa'd ibn Musayyib, heureusement je suis tombé sur la riwaya, c'est pas Sa'd ibn Musayyib, c'est Mohammed ibn Sirin. Mohammed ibn Sirin qui a vu, regardez, l'histoire est rapportée dans le Bukhari, dans la chronique de l'imam al-Bukhari fi al-Tarikh. D'après Mohammed ibn Sirin, annahu qal, kuntu atuf bil Ka'ba, idh rajulun yaqul Allahumma ghfir li wa ma adhun an taghfir li. Et c'est Mohammed ibn Sirin, alhamdoulilah, donc on corrige, inshallah, c'est pas Sa'd ibn Musayyib. Mohammed ibn Sirin, alors qu'il faisait tawaf autour de la Kaaba, il vit un homme qui disait, alors qu'il faisait tawaf, « Oh Seigneur, pardonne-moi, et je pense que tu ne me pardonneras pas. » Tellement il savait la gravité de ce qu'ils ont fait. « Wa qala al-hafidh, radiyallahu, rahimallahu, ta'ala, أول الفتنة أو أول الفتن قتل عثمان وآخر الفتن الدجال. الحافظ ابن كثير, regardez, disait, ou plutôt, pardon, حذيفة. حذيفة بن اليمن, regardez le compagnon, qu'est-ce qu'il a dit. Hudhayfa a dit, radiallahu ta'ala an, la première fitna, le début des fitnes, c'est la tuerie de Uthman, et la dernière, la fitna de l'antéchrist. Wa qala al-Hafid ibn Kathir, thabata an Ali, radiallahu ta'ala an, min ghayri wajh fi Uthman, kana min alladhina amanu wa aminu s-salihat, thumma attaqaw wa amanu, thumma attaqaw wa ahsanu. Et al-Hafid ibn Kathir, là, il dit, il a été confirmé de plusieurs voix que Ali ibn Abi Talib, il disait au sujet de Uthman, Uthman faisait partie de ceux qu'Allah dit dans le Coran, « Amanu wa aminu salihat ». Ils avaient cru et bien œuvré, « Thumma attaqaw wa amanu, thumma attaqaw wa ahsanu ». Regardez le verset lorsqu'Allah dit, « Ils ont certes cru, bien œuvré, ensuite ils ont fait preuve de piété, et ils ont cru, et ils ont fait preuve de piété, et ils ont été excellents. » Et vous avez vu l'éloge de Ali, radiallahu ta'ala, an. Et c'est ça qui est pertinent à savoir, c'est que regardez, lorsqu'on a parlé tout à l'heure, que lorsque les renégats sont venus, à un moment, à Médine, avec une allure soi-disant de pèlerins, et lorsque ensuite Ali est parti à leur rencontre, pour débattre avec eux, et pour les faire revenir à la raison, regardez, lorsque eux, malgré qu'ils respectaient Ali radiallahu ta'ala, ils vénéraient Ali radiallahu ta'ala an, lorsqu'ils ont parlé sur Uthman, et lorsqu'ils ont dénigré Uthman, Ali a défendu son frère Uthman radiallahu ta'ala an. Alors que, eux, ils vénéraient Ali, ils prétendaient que c'était Ali qui était plus en droit au pouvoir. Mais Ali ne portait aucune attention à cela. Il les a réprimandés, il les a blâmés et a défendu Uthman ibn Affan radiallahu ta'ala an. Et il leur a rappelé plutôt à l'obéissance et l'écoute de celui qui détient l'autorité. Donc on voit bien que Ali ibn Abi Talib ne convoitait pas le pouvoir. Le but c'était l'obéissance de Uthman ibn Affan. Et c'était qu'il lui obéisse et qu'il l'écoute et qu'il revienne à la raison. C'est pour cela que ça, c'est des exemples à prendre. Vous savez que, et ça vous connaissez tous, hein, lorsque deux hommes ont des prétentions et convoitent quelque chose, parfois alors ils deviennent quoi ? Des rivaux. Et donc il y a une concurrence qui s'installe. Il n'y avait pas cela entre les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Ali ibn Abi Talib ne prétendait rien. Lui, il avait porté allégeance à Uthman ibn Affan. Et lorsque ces hommes qui sont venus, qui venaient à Ali, sont venus, il les a réprimandés, il les a blâmés, et les a rappelés, il leur a fait le rappel de retourner à l'écoute et l'obéissance de Uthman ibn Affan. Il était rude et dur envers eux. فقال الحافظ ابن كثير كما قلنا ثبت عن علي من غير وجه في عثمان كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا وقال كان عثمان خيرنا ووصلنا للرحم وأشدنا حياء وأحسننا طهورا وأتقانا لرب العالمين. Regardez ce que disait Ali aussi. Il est rapporté que Ali disait sur Uthman, regardez ce qu'il disait. Uthman était le meilleur d'entre nous. Était celui qui préservait le plus le lien de parenté. Il était celui qui était le plus pudique parmi nous. Il était celui qui était le meilleur d'entre nous dans la pureté, dans la purification. وَأَتْقَانَا لِرَبِّ الْعَالَمِينَ لِرَبِّ عَزَّ وَجَلَ. Et il disait c'était celui qui craignait le plus Allah, le plus craintif parmi nous. Vous avez vu cet éloge ? Vous avez les compagnons, comment ils se faisaient l'éloge les uns les autres ? Regardez, il disait que Uthman était le meilleur d'entre eux, que Uthman était le plus pudique d'entre eux, que Uthman était celui qui tenait le mieux les liens de parenté, qu'il était le meilleur d'entre eux au niveau de At-Tahur, la purification, la pureté. Wa yaqul al-Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, فلما قتل عثمان تفرقت القلوب. Lorsque Uthman a été assassiné ensuite, les cœurs se sont séparés. Est apparue la division. فقال تفرقت القلوب وعظمت الكروب. et ensuite l'épreuve, عظمت, عظمت الكروب, c'est-à-dire les difficultés, les afflictions, les épreuves ont commencé à s'intensifier. وظهر الأشرار وظل الأخيار, et sont apparus les mauvais. Et les bons hommes ont commencé à se faire peu. Sont apparus ensuite des mauvais. Regardez ce qu'il va dire, c'est des paroles très fortes de Cheikh Islam Taymiyyah, plus tard. Hein. En l'occurrence, on a rapporté beaucoup de paroles d'Ibn Kathir, qui est un spécialiste dans le tarikh, dans l'histoire. Ibn Kathir, qui était l'élève de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah. Regardez ce que dit Cheikh Islam Taymiyyah. Méditez bien cette parole. Regardez ce qu'il va dire. وَسَّعَ فِي الْفِتْنَةِ مَنْ كَانَ عَاجِزًا عَنْهَا وَعَاجَزَ عَنِ الْخَيْرِ وَالصَّلَحِ مَنْ كَانَ يُحِبْ الْإِقَامَةِ أو مَنْ كَانَ يُحِبْ إِقَامَتَهِ. Regardez ce qu'il va dire. Il va dire ensuite ont commencé السعي. Ceux qui voulaient الفتنة ont commencé à propager la fitna alors qu'avant ils en étaient incapables. Et ceux qui aimaient faire le bien ont commencé à ne plus pouvoir faire le bien alors qu'avant, ils en étaient capables. Vous avez vu ? Avant, à l'époque de Uthman, les gens qui voulaient faire le bien faisaient le bien. Ils avaient la capacité et les occasions de faire le bien. Ensuite, après la mort de Uthman, le mal s'est propagé et ceux donc qui voulaient faire du bien, eh ben, étaient dans l'incapacité de faire ce bien. Et à l'époque de Uthman ibn Affan, regardez, écoutez, ceux qui voulaient le fitna, ils étaient dans l'incapacité de pouvoir propager ces fitanes. Mais lorsqu'ils ont tué Uthman, alors ceux avant qui voulaient faire le fitna, mais c'était dur pour eux de propager le fitna au sein des compagnons du prophète, sallam, eh ben à présent, eh ben, ils étaient dans la capacité de propager le fitna. En arabe, c'est plus éloquent. En français, c'est un peu difficile de traduire ça. وَسَعَى فِي الْفِتْنَةِ مَنْ كَانَ عَاجِزًا عَنْهَا وَعَاجَزَ مِنَ الْخِيرِ أو وَعَاجِزَ عَنِ الْخِيرِ وَالصَّلَاحِ مَنْ كَانَ يُحِبْ إِقَامَتَهِ. Et c'est pour cela que أهل الفتنة sont présents en toute époque. À toute époque. Et l'histoire, on l'a racontée, c'est pour qu'on prenne conscience. Qu'on prenne conscience. Si à cette époque où il y avait les compagnons du prophète, alayhi salat wa salam, les gens, as-sufaha, ces renégats, n'ont pas donné le droit aux compagnons du prophète, alayhi salam, n'ont pas respecté les compagnons du prophète comme ils se devaient. S'ils ont fait, ils se sont comportés de la sorte avec Uthman ibn Affan. La testaribou, ne vous étonnez pas qu'ensuite des siècles plus tard, vous allez voir des soufahas qui apparaissent, qui ne respectent pas les ulama, qui ne respectent pas al-umara, les dirigeants, qui insultent les ulama, les savants de savants du pouvoir, savants des dirigeants, savants de la dunya, savants des menstrues. Ne vous étonnez pas. Kama waqa'u fil fitnati haoula, comme à l'époque, eux, ils sont tombés dans le fitna. Aujourd'hui, beaucoup des gens en masse tombent dans le fitna. Wal ajab al-ujab, et ce qui est très étonnant, et ça prouve la prophétie du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est que ces fitanes, alors qu'ils ne se sont pas produits à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, le prophète salam a averti de ces troubles. Regardez, dans un hadith, le prophète salam, alors qu'il était avec ses compagnons, il disait, hal tarawna ma ara? Est-ce que vous voyez ce que je vois? Des fitanes qui vont tomber sur vos maisons comme des pluies diluviennes. Et les savants ont dit, c'est des fitanes qui se sont abattues sur Médine. Le prophète a averti de cela. Regardez lorsque le prophète en salam dit Fitanan thumma ala fitna al-qa'idu fiha khayru min al-mashi fiha wa al-mashi fiha khayru min al-sa'i ilayha. Ala idha waqa'at aw hasalat faman kana lahu ibil falyalhaq bi ibili wa man kanat lahu ard falyalhaq bi ardi wa man kana lahu ghanam falyalhaq bi ghanamih. Regardez le prophète en salam dans un hadith lorsqu'il dit des fitanes vont apparaître. Celui qui est assis sera meilleur que celui qui marche vers ses fitanes. Et celui qui marche vers ses fitanes sera meilleur que celui qui se précipite vers ses fitanes. Et le prophète dit, si ces fitanes, ces troubles se produisent, alors que celui qui a un chameau qui rejoigne son chameau, que celui qui a des terres qui rejoigne sa terre, et que celui qui a des bestiaux qui rejoint ses bestiaux. Ou comme a dit le prophète, comme a dit le prophète. Le prophète a averti des fitanes, des troubles. Le prophète a dit que ces troubles vont emporter des masses. Des masses et des masses. Et donc il faudra donc se préserver. Et ce qui est plus étonnant encore, le prophète, alayhi salatu wassalam, avait averti de la tuerie du martyr de Uthman ibn Affan. Donc Uthman le savait. Uthman le savait. Regardez, avant des années, on a dit que juste la diffamation de Uthman, elle a commencé quand ? En l'an 34 de l'Hijr. En l'an 34 de l'Hijr. La diffamation. Le prophète, sallam, est décédé en quelle année ? Ahsantum. Et donc, là, le prophète, sallam, est décédé plus avant une vingtaine d'années. Plus d'une vingtaine d'années. Et de son vivant, le prophète, sallam, avait averti. Regardez le hadith. Par exemple, lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, était sur Uhud, le mont Uhud, avec ses compagnons, et il y avait Abu Bakr, il y avait Omar, il y avait Uthman. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Uhud a tremblé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Uskun Uhud, falisa alayka illa nabiyun wa siddiqun wa shahidan. » Wa shahidan. Le prophète a dit à Uhud, à la montagne, de se calmer. « Apaisse-toi, ya Uhud. Il n'y a sur toi qu'un prophète. « Laysa alayka illa nabiyun wa siddiqun. » Shahidan. Sur toi, il n'y a qu'un prophète, un véridique et deux martyrs. Deux martyrs. Regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti. Abu Bakr, Siddiq, Omar, qui est mort martyr, à Médine, lorsqu'il a imploré Allah subhanahu wa ta'ala, et on a dit, c'est le tueur de Omar, il s'appelait Abu Lu'a al-Majusi. Et on a dit que c'était le nom d'un boulevard hein, qu'il y a en Iran. Et il y a donc deux martyrs, et Uthman qui fut tué aussi, martyr. Et dans un autre hadith, le prophète, alayhi salatu wassalam, regardez, alors qu'un jour, il est rapporté dans les deux authentiques, que Abu Musa al-Ash'ari, radiallahu ta'ala an, il était en compagnie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wasallam. Et il dit, j'étais avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wasallam, et le prophète lui avait ordonné de faire la garde, de rester à côté de sa porte et de surveiller. فَجَاءَ رَجُلٌ يَسْتَأَذِينَ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا. Et un homme est venu, il a demandé la permission de rentrer. Alors Abu Musa al-Ash'ari, le compagnon, lui dit, qui es-tu ? Il dit, c'est Abu Bakr. Alors, فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, le prophète lui a dit, donne-lui la permission de rentrer et annonce-lui le paradis. Annonce-lui le paradis. Ensuite, est venu Omar. Et pareil, le prophète sallam lui a dit « Idhanna wa bashiru bil jannah » Accorde-lui la permission, donne-lui la permission, laisse-le rentrer et annonce-lui le paradis. « Thumma jaa Uthman » Ensuite, Uthman est venu. Il a demandé la permission de rentrer, il a été autorisé et le prophète dit « Mon compagnon, annonce-lui aussi l'entrée au paradis après qu'il soit touché par une grande épreuve. » Subhanallah. Regardez, à l'époque, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, regardez, pour Uthman, lorsqu'il a donné la permission d'autorisation de rentrer, il a dit, fais-le rentrer, annonce-lui le paradis, et dis-lui après qu'il soit touché par une grande épreuve. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a cité le terme, ala balwa tusibo. Une balwa qui va toucher Uthman, radiallahu ta'ala, anhu. فدخل عثمان رضي الله تعالى عنه وهو يقول اللهم صبرا اللهم صبرا. Et ensuite Uthman est rentré et il disait ô Seigneur la patience, ô Seigneur la patience. وفي رواية أنه قال, et dans une version il a dit الله المستعان, et Allah est celui qui aide. Et regardez cet homme dont le prophète صلى الله عليه وسلم avait de la pudeur, avait de la honte envers Uthman. Lorsque le prophète, un jour, Uthman est rentré, et le prophète a dit à Aïcha, comment ne pas avoir de la pudeur, de la honte envers Uthman, alors que les anges eux-mêmes ont de la pudeur et de la honte envers Uthman. ألا أستحي مما من من تستحي منه الملائكة. Ne vais-je pas avoir de la pudeur et de la honte envers celui dont les anges eux-mêmes ont de la pudeur et de la honte. Uthman ibn Affan radiallahu ta'ala an. Wa yaqul ibn Umar radiallahu ta'ala an. Kunna fi zaman an-nabi sallallahu alayhi wa sallam la na'dil bi Abi Bakr ahadan, thumma Umar, thumma Uthman. Et Abdallah ibn Umar, il disait, nous avons vécu dans une époque où pour nous, Abu Bakr, wa Umar, wa Uthman n'avaient pas d'égo. C'était les meilleurs des compagnons. Abu Bakr, thumma Uthman, thumma Umar, thumma Uthman, thumma Ali. Wa hada mu'taqad wa i'tiqad ahli sunnati wal jama'a. Comme on a dit tout à l'heure, ça c'est la croyance des gens de la sunna. Fa Uthman ibn Affan amirul mu'minin, on a dit, ذو النورين صاحب الهجرتين والمصلي إلى القبلتين. Et celui qui s'est marié donc deux des filles du prophète عليه الصلاة والسلام, celui qui a fait les deux émigrations, celui qui a prié vers les deux qibla, المصلي إلى القبلتين, vers les deux qibla, Uthman ibn Affan رضي الله تعالى عنه. Il faisait partie des dix annoncés au paradis رضي الله تعالى عنه. Donc vous avez vu, il y a beaucoup de récits, il y a beaucoup de choses qui sont rapportées, mais en résumé, pour terminer, on va se quitter sur ça. En résumé, qu'est-ce qu'il faut conclure? Vous pourrez vous poser une question. Pourquoi cette épreuve? C'est une grande épreuve pour Uthman. Mais regardez dans un hadith, ce prophète, Sarsam, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, les plus éprouvés, ce sont l'anbiya. Thumma l'amthal fa l'amthal. Les hommes les plus éprouvés, ça sera les prophètes. Les prophètes. Ensuite, al-amthal, thumma al-amthal. Et comme vous savez, les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les meilleurs hommes après les prophètes et les messagers. C'est pour ça que les compagnons du prophète ont été éprouvés. Ils ont été éprouvés. Vous avez vu dans le hadith, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait annoncé à Uthman ses épreuves. Donc Uthman faisait partie des meilleurs hommes après les prophètes et les messagers. Il a été éprouvé. Et Allah Jalla wa'ala l'a élevé. Et comme on a dit précédemment, il fait partie des meilleurs hommes parmi les compagnons et de toute la nation musulmane, de toute la communauté. De toute la communauté. Imaginez-vous le mérite. Plus l'homme a du mérite, plus l'homme sera éprouvé. Et le prophète a dit, les hommes les plus éprouvés, c'est les prophètes et les messagers. Et ensuite viennent les meilleurs hommes, les compagnons du prophète. Pour ça, si vous regardez l'histoire d'autres compagnons, vous allez voir les épreuves qu'ils ont eues. Ils ont été éprouvés. Fathabatou. Mais ils ont été fermes. Ils ont été persévérants. Ils ont été endurants. Regardez, alors que les compagnons avaient proposé à Uthman de le protéger contre ses renégats, ils ne voulaient pas le fitna. Regardez le noble comportement et les bonnes moralités. Ils ne voulaient pas la dissension et la fitna. Il a préféré rejoindre le messager d'Allah, surtout lorsqu'il a fait son rêve, son songe. Donc ça, c'est première chose. Si vous posez la question, première chose, ce sont les compagnons du prophète. Ils ont atteint un haut niveau de piété. Et Allah Jalla wa'ala les a purifiés, les a éprouvés, et ils ont atteint les hauts degrés. Ils ont atteint l'excellence. L'excellence. Deuxièmement, ça, c'est des leçons à tirer. C'est des leçons et des cours à tirer. C'est pas en vain que c'est narré, relaté dans les livres d'histoire. Il faut tirer des leçons. C'est-à-dire que, comme à l'époque, il y avait des imposteurs, des corrupteurs, des comploteurs, à notre époque, il y a des corrupteurs, des imposteurs et des comploteurs qui sèment la dissension, qui sèment la division, qui sèment le mal. Comme il y a eu à l'époque, il y en a à notre époque. Ces histoires-là, ce sont des leçons pour le reste de la communauté. Pour le reste, ça, c'est des leçons. Si cela ne s'était pas produit, on n'aurait pas ces leçons. Et comment on aurait su comment les compagnons se comportaient en temps de fitan? On voit que plus tard, les compagnons, lorsqu'il y avait des fitan qui apparaissaient, ils s'isolaient des troubles et des tentations et des fitan. Et ça, c'est bénéfique pour plus tard les générations à venir. Si ça s'est produit sur le meilleur des hommes, comme on a dit précédemment, s'ils ont réussi à porter atteinte à l'honneur de Uthman ibn Affan, le meilleur des hommes, quel est le cas d'autres, comme on a dit? Vous allez vous étonner qu'ils parlent de vous? C'est pour ça que « Man kana amiran ou aliman, ou da'iyan, celui qui est une autorité, par exemple, un dirigeant, ou bien un savant, ou bien un imam, ou bien un prêcheur, ou bien mu'alliman, il ne doit pas s'étonner que les uns, il ne doit pas s'étonner que les gens parlent sur lui, par exemple. Personne n'est à l'abri de la langue des hommes. Les compagnons, regardez, n'ont pas été à l'abri de la langue et de l'épée de ces hommes. Vous pensez que vous êtes un autre que les compagnons sera à l'abri des mauvaises langues? Personne ne sera à l'abri des mauvaises langues. Comme disait l'imam Shafi'i, « Ridan nas rayantun la tudrak ». La satisfaction des gens, c'est un objectif qui ne s'entend pas. Vous allez satisfaire tout le monde? Chez les êtres humains, c'est quelque chose qui ne s'entend pas. N'essayez pas de satisfaire les gens, c'est comme ça chez les êtres humains. Vouloir satisfaire tout le monde, c'est quelque chose qu'on ne peut. C'est impossible d'atteindre cela. Eh bien, ça c'est une grande leçon pour nous. Uthman ibn Affan, radiallahu ta'ala, a patienté. Il a enduré son épreuve et Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé. Regardez avant, parmi les prophètes et les messagers, regardez Isa, alayhi salam, ibn Maryam. Isa, le fils de Maryam. Vous avez vu l'épreuve qu'il a subie avec son peuple? Jusqu'à ce qu'ils l'ont pris pour le crucifier. Mais Allah, jalla wa ala, l'a élevé. C'était une grande épreuve. Regardez ce qu'il a subi. Regardez le prophète, sans même. Regardez Nuh, alayhi salam. Regardez Ibrahim, alayhi salam. Ils l'ont jeté dans le feu. Ensuite, Allah, jalla wa ala, a fait que ce feu est devenu froid. Regardez l'épreuve des prophètes. Regardez Moussa, alayhi salam. Il a vécu une période où Pharaon, à l'époque, ce tyran, tuait tous les nouveau-nés qui étaient garçons. Parce qu'il avait fait un rêve que un enfant de Banu Israël, eh ben, sera la cause de la chute de son trône. Donc il tuait tous les enfants vivants pour pas qu'ils grandissent et qu'ils soient la cause de la chute de son trône. Donc les prophètes et les messagers ont été éprouvés. Et pour terminer, donc, il faut tirer, comme on a dit précédemment, des leçons et faire attention à toutes ces diffamations, à ce qui se propage dans les réseaux sociaux. Des fois, ils propagent des choses sur des gouverneurs, c'est faux. Il y a beaucoup de choses qui se propagent chez les médias par rapport à certains présidents, certains rois ou autres. C'est faux. Il faut tout vérifier. Malheureusement, beaucoup de gens de la communauté propagent. Tout ce qui leur arrive dans les réseaux sociaux, ils propagent. Beaucoup de choses qui sont propagées sont fausses. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on propage. Et il ne faut pas participer à ces organisations secrètes qui diffament, qui calomnient les dirigeants, les savants, les ulama, la communauté. Et on se quitte, regardez, avec un hadith du prophète, alayhi salat wa salam. Lorsque le prophète sallam a dit, à un moment, il s'est adressé à ses compagnons. Il a dit, qad ya'is ash-shaytan an yu'bada fi jazirat al-arab, fi jazirat al-arab. Sat shaytan, qad ya'is. Ya'is an yu'bada fi jazirat al-arab. Shaytan, il a désespéré d'être adoré dans la péninsule arabique. Le prophète, il avait averti les compagnons. Après le da'wa, le prêche du tawhid et du monothéisme, lorsque le tawhid s'est propagé dans la péninsule arabique, et le monothéisme pur, la da'wa du messager d'Allah, la da'wa d'Allah, le message d'Allah s'est propagé dans toute la péninsule arabique, shaitan, khlas, yes. Il a commencé à désespérer. Il a désespéré que an yu'bada fi jazirat al-arab, d'être adoré et suivi dans la péninsule arabique. Il n'y avait plus l'adoration des idoles. Alors que les gens étaient dans le paganisme, dans l'idolâtrie, l'adoration d'idoles. Ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après des années de da'wah, de prédication, qu'est-ce qui s'est propagé à la place de l'adoration d'idoles? L'adoration d'idoles s'est dissipée, le polythéisme et le paganisme s'est dissipé, et a pris place l'adoration du Seigneur unique, Allah subhanahu wa ta'ala. Vous imaginez la situation d'Iblis, de Shaitan? Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a décrit Shaitan comme étant à présent, ensuite, il avait désespéré d'être adoré dans la péninsule arabique. Mais le prophète, qu'est-ce qu'il dit? Illa bittahrishi baynakum. Illa bittahrishi baynakum. Sauf que Shaitan, qu'est-ce qu'il lui reste? Il va semer la division et la dissension entre vous. Allez, le prophète, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que le shaitan a désespéré d'être adoré dans la péninsule arabique, si ce n'est en semant la dissension et la division entre vous. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lorsque on regarde ensuite les années plus tard, c'est véridique. Tout ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam est véridique. Donc, Allahu a'lam, on a essayé de résumer un peu. Et on demande à Allah jalla wa ala de nous guider. Fanasallaha jalla wa ala an yahdiyana wa an yaj'alana min al-faizina fi hadhihi ad-dunya fi al-akhirah. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم احسن ختامنا اللهم احسن ختامنا واهدي شبابنا واهدي بناتنا واغفر لأموات المسلمين ولوالدينا اللهم ارحمنا وارحم أموات المسلمين واشف مرضى المسلمين والله أعلم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.